Nous allons reprendre alors que vous passez les portes de Justicienne, juste après la fouille organisée par les Spitaliers. De part et d'autre de la ville, vous observez ses habitants, notamment amassés au niveau des portes d'entrée, pour procéder eux-mêmes aux mêmes fouilles que vous avez subies précédemment. De ton côté, Mokosh, toi, ça va faire longtemps que t'es pas venu ici, très longtemps même. Et tu remarques que, mine de rien, depuis la dernière fois, la ville a pas mal changé. Outre les... les mêmes juges et hospitaliers qui déambulent dans la ville et semblent comme ça un petit peu représenter une force d'ordre et de loi omniprésente, tu remarques que la ville arbore désormais de superbes haut-parleurs, installés au niveau des tours du serveur central. Vous vous rendez premièrement chez toi, Efflux, et pour ça, il va vous falloir traverser une bonne partie de la ville. Pour commencer, vous allez vous rendre dans le quartier de la Croix, qui est le quartier classique des Anabaptistes. Pas très loin se trouve d'ailleurs le quartier des Jamethan, ce qui fait que les tensions entre les deux cultes sont assez présentes en ville. Notamment depuis les derniers événements où, avec la mort d'Altaïr qui a eu lieu il y a quelques mois, les uns se sont empressés d'accuser les autres. Vous imaginez que les théories vaseuses ont eu le temps de se créer depuis. Et de se propager de bouche à bouche dans les bars et dans les pubs. Tu entends d'ailleurs, Mokosh, enfin vous entendez, durant votre petit trajet jusqu'en direction de la maison de Efflux, en tout cas la maison de son habitation, les fameux appels des chroniqueurs en provenance des haut-parleurs qu'ils ont installés. Vous allez entendre par exemple des phrases du type « Citoyens de Justicienne, n'oubliez pas d'activer vos lampes à insectes la nuit afin de limiter la prolifération des spores dans la population. » Et ce genre de message de prévention qui frôle par moments la propagande. Citoyens de Justicienne, vous n'avez qu'une seule question à vous poser. Êtes-vous du côté des Spitaliers, du Protectorat ou de celui des aberrants et donc de l'ennemi de l'humanité? Vous passez d'ailleurs sous la silhouette, l'imposante silhouette du monolithe d'acier. J'en profite pour en parler, c'est vrai que dans nos dernières visites, dans les sessions d'avant, on n'en avait pas vraiment parlé. Mais le monolithe d'acier, c'est un gigantesque bâtiment qui se trouve en plein milieu de la ville. Et à l'intérieur de ce dernier se trouve, vous pouvez même depuis le bas voir jaillir de temps en temps, de temps à autre, de certaines flammes, puisque les maîtres de l'acier y forgent les mousquets des juges qui eux vont utiliser pour combattre notamment les clanistes qui tentent de récupérer le protectorat. Et juste accoudé, on va dire, avec ce premier bâtiment, vous avez celui des chroniqueurs, donc le serveur central de Justicienne. Vous pouvez apercevoir au loin quelques panneaux solaires triangulaires ainsi que des wagons qui en fait permettent de relier un bâtiment à un autre puisque certaines zones en fait ne sont accessibles que depuis le haut de la ville par les chroniqueurs. Et d'ailleurs, si jamais vous allez dans justement le serveur, on peut l'apercevoir assez facilement. Donc c'est sur l'image que je vous avais envoyée. On aperçoit qu'en haut des bâtiments en fait, en tout cas de ces deux bâtiments, donc des monolithes d'acier et du serveur central, on peut les relier de par une espèce donc de... Je connais pas le nom exact, mais de wagon accroché comme ça qui va aller de l'un à l'autre. Ouais, comme une espèce de tyrolienne, quoi. Une espèce de... Ouais, exactement, c'est ça. Mais avec une espèce de wagon à l'intérieur qui fait des allers-retours. Ah, ce c'est qui un... permet de s'assurer des allées et venues des gens d'une zone à une autre. Puisqu'il faut une certaine accréditation pour pouvoir s'y balader. J'en profite comme ça donc pour reposer un petit peu les bases de la ville. Et vous, de votre côté, donc plus à votre niveau, vous apercevez des citoyens pauvres, la plupart affamés, d'autres qui semblent mieux se porter, des gamins des rues. Vous entendez aussi au loin, à un moment, quelques voix en train de crier, et de type manifestation plutôt. Et vous apprenez qu'il s'agit là de l'Union des Nourriciers, qui est un rassemblement de paysans qui protestent sur l'une des places, tandis que les juges, eux, patrouillent en haut des murailles qui ont été installées tout à l'intérieur de la ville afin de toujours être en surélevé par rapport à la population. Donc tout au long de votre parcours à l'intérieur de la ville, vous apercevez des juges en train de fumer, tels des maîtres absolus posés sur leurs murailles en contemplant la foule en bas comme si elle ne les inquiétait guère. Malgré tout, même si le tableau que je viens de dépeindre peut paraître un peu sinistre, Justicienne est sans doute un des endroits où il y a le plus de monde et où les récoltes récupérées des villes alentours sont les plus foisonnantes. Alors il n'y a pas d'état non plus, beaucoup de gens meurent un peu de faim, mais c'est clairement l'une des plus grandes villes, ce n'est la plus grande ville dans laquelle vous n'êtes jamais allé. Au bout de votre petite balade, vous arrivez finalement devant la résidence des Flux. C'est une espèce de petit bâtiment que Flux a acheté depuis la dernière campagne avec ce qu'il a pu récupérer. Il s'agit en fait d'un ancien commerce, plus ou moins, où les fenêtres ont été barricadées avec de la ferraille. Et à Flux, simplement, tu ouvres la porte d'entrée et vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment. D'ailleurs, j'en profite, est-ce que vous avez décidé de vous faire accompagner par les personnes de la dernière fois, c'est-à-dire Bran, Sonia et leurs deux enfants, donc Sacha et Gabriel? Ou est-ce que vous les avez laissés aller dans leur coin? Personnellement, comme je leur avais proposé, parce que ça tient toujours, malgré tout, je vais essayer de parler en leur faveur de mon côté. Et voir si il n'y aurait pas peut-être du travail, soit pour le père, soit pour la mère. Et par la même occasion, un logement. Très bien. Ah, pour l'instant, t'as pas recroisé quiconque que tu connaissais, donc t'as pas pu encore effectuer ça, mais j'y penserai. Donc, libre à toi un petit peu plus tard, justement, d'essayer d'aller retrouver des gens que tu connaisses et de faire marcher les relations. Pour ce qui est de la question qui traîne avec nous, je pense que, étrangement, c'est plus Mokoche qui doit y répondre, pour la simple et bonne raison que c'est elle qui a eu quelques informations que nous n'avons pas eues. Parce que moi, je leur ai fait une offre, mais ce sont des grands garçons, et s'ils ont envie de me retrouver, je leur ai donné mon adresse, ils peuvent me retrouver. Ouais, donc la question de « est-ce qu'ils restent avec nous ?», je pense que c'est plus Mokoche qui va pouvoir... Moi, pour le coup, j'ai pas particulièrement de raison de le faire rester. Mokoche ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on se balade tous ensemble. Chacun sa vie. Et je pense que ils sont échangés par coordonnées avec Flux. Oui, c'est ça, ils savent. Vous avez des quartiers. D'ailleurs, Flux, j'aimerais te demander dans quel quartier est-ce que tu habites ? Du coup, nous avons. En effet, je vais faire on va dire de gauche à droite, de haut en bas. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Nous allons commencer avec le quartier des Nourriciers, qui lui se trouve en partie, on va dire, du coup, en dehors de la ville, puisque c'est un petit peu la banlieue. C'est là où vivent notamment les fermiers, qui après vont aller vendre leur récolte à la Justicienne. J'imagine que c'est pas là où ça t'intéressera d'aller vivre, mais je tenais de le préciser aussi. Nous avons également le quartier de la Croix, donc lui est le quartier notamment anabaptiste. Juste à côté, nous avons le quartier de Stukov. Là, c'est un quartier un peu, on va dire pas abandonné, mais un petit peu malfamé, là où tous les gamins des rues vont se retrouver. Donc c'est un petit peu le coin pas ultra sécuritaire. Nous avons également, d'ailleurs, dans ce quartier, que je dis pas de bêtises, parce que... Voilà. S'il y a une erreur de traduction, vous allez voir le petit G, il y a un truc qui est nommé le débris. Étant donné que le petit G se trouve dans ce qui était autrefois l'eau et qui ressemble notamment pas mal à un bateau, j'en déduis personnellement qu'il s'agit de l'épave et que les traducteurs, en fait, ont pas fait le lien entre les deux éléments. Donc, il se trouve au niveau du quartier de Stukov. Nous avons le monolithe d'acier dont je vous ai parlé juste à l'instant, donc, où, on va dire, se trouvent les maîtres de l'acier, et juste à côté, le serveur central. Ensuite, dans les points importants, donc au sud, le quartier de Jamethan. Et en effet, le technocentre, lui, ça va être... Donc, en effet, les ferrailleurs, eux, vont soit se trouver donc, à ce niveau-là, donc au technocentre, ou au niveau du monolithe, ou au niveau de la ville haute. Mais le technocentre, c'est aussi un petit peu le quartier des ferrailleurs. Donc, pas seulement le côté chroniqueur, mais aussi ferrailleurs. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je réfléchis aussi à ce qui pourrait être intéressant. Parce que où est-ce qu'on trouve généralement plus les chroniqueurs, quand même, dans la justicienne? La plupart des chroniqueurs, soit ils vont être en déplacement, soit la grande majorité... En fait, ça dépend pas mal du statut du chroniqueur en question. Ouais. Mais la grande majorité vont se trouver dans des alcôves, par exemple, et ils vont faire du commerce avec les ferrailleurs. Ok. Il y en a certains qui vont avoir leur propre coin parce qu'ils auront leur propre projet en cours. Ils peuvent, par exemple, avoir leurs petits ateliers ou autres. C'est un petit peu moins commun, mais ça existe aussi. Et puis, il y a ceux qui vivent dans le serveur. Et donc, un petit peu l'équivalent, on va dire, du hôpital pour les chroniqueurs. D'accord, ok. Et le serveur, il est où, là? Le serveur, il se trouve juste à côté du monolithe d'acier. Est-ce qu'il est indiqué par un petit chiffre? Je vais regarder. Une lettre. Le serveur central, c'est le petit 4. Ah d'accord, donc c'est là où sont... Voilà, c'est ça. Donc tu vois, t'as le monolithe d'acier, et on voit d'ailleurs sur la carte l'espèce de petit monorail qui les relie. Ouais. The Crack, du coup, c'est quoi? The Crack... Alors ça, The Crack, c'est... mais en gros, c'est une base de ferrailleurs. La brèche. Oui, c'est ça, hein. C'est vrai que c'est... Du coup, en effet... C'est ça, puisque en fait, tu vois sur la carte qu'en plein milieu... Il y a une crevasse, quoi. Enfin, il y a ça. Ouais, je pense que ça va être... Oui, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, c'est un endroit plutôt ferrailleur, c'est ça? Ouais, vu que tu vas trouver juste au nord du technocentre, en effet, ça va être un coin assez ferrailleur. En effet, l'endroit où tu le passes, c'est pas bête niveau, on va dire, stratégie. Puisque tu le trouves pas très loin du quartier de Stukov, où tu vas pouvoir récupérer des gamins des rues, vu que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse pour raison de ton influence. Auprès des clanistes, et tu trouves pas très loin non plus du coup du serveur, vu que t'as juste allé récupérer le monolithe, et tu trouves pas non plus loin du technocentre où se trouvent les ferrailleurs. Ouais, je me situe un peu entre les trois. Plus pertinent que si tu t'étais mis au sud du quartier des Jamethan, même si bon, en soi, pourquoi pas. J'aurais pu. Oui, bien sûr. Pour le fun. Du coup, je vais aller nord-ouest de The Crack, pas très loin de l'enceinte de la ville. Eh bien, c'est exactement l'endroit où vous vous rendez. Lorsque vous ouvrez la porte principale, vous pénétrez donc à l'intérieur de cet endroit que Fuchs a racheté. J'imagine qu'il est du coup assez faiblement décoré, mais tu as toi de me dire comment est-ce que tu voyais la chose, en tout cas pour la salle principale dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est une bonne question. ça sera pas non plus décoré à fond. Tu vois, effectivement, ça sera assez simple, mais j'aimerais bien que la salle principale, vu que c'est là que je vais accueillir les gens, tout ça, qu'elle soit quand même un peu mise en valeur pour vraiment jouer un peu de ma stature quand tu rentres, tu vois, de pas être sur une salle vide en mode oh, mais viens bosser avec moi, il y a des choses, hein. Tu vois, mais d'arriver en mode ouais, tu vois, ça c'est chez moi, viens bosser, t'inquiète. Tu vois, okay, tu vois l'idée. Je vois. Eh bien, bon, du coup, voilà, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Vous donc voyez, par exemple, des endroits où s'asseoir. Rien en bois, évidemment, tout en fer. Le bois coûte beaucoup trop cher à la justicienne. De l'autre côté, vous avez une espèce de rideau qui sert de jonction entre la salle où vous vous trouvez et une arrière-salle. Et vous entendez du bruit. De la ferraille entrechoquée, ainsi que des voix qui s'entremêlent. C'est des ouvriers? Je pense. Je vais aller voir. Tu t'avances, et donc tu passes ta main au niveau du rideau pour l'ouvrir, et en effet, tu retrouves deux de tes employés, on va dire, en train de travailler sur quelque chose que tu avais déposé il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas juste avant de partir, qui est le disque de GMA. Et d'ailleurs, instantanément, lorsqu'il te voit apercevoir, il rejette un drap par-dessus. Vu qu'il voit des gens derrière, ils savent pas s'ils ont le droit de le savoir et que c'est quelque chose qui est hautement recherché. Et aussitôt, tu as Maria, la première d'entre eux, qui t'adresse quelques mots. Et vous deux autres à côté, vous remarquez que vous ne comprenez strictement rien à ce qu'elle dit. Elle parle une langue composée de O et de A et de I. Sans doute de l'hébreu espagnol. Et plus, évidemment, de ton côté, tu la comprends. Je me permets de poser une question, MJ. Ouais. J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. À la toute fin de Intel Blood, est-ce que j'avais mis au courant mes amis pour le disque? J'ai un gros trou là-dessus, je crois. Hein. Il me semblait, en tout cas, à un moment, vous l'aviez récupéré, vous étiez tous ensemble. Ouais, donc... Donc tout le monde était plus ou moins au courant. Après, ce que t'en as fait depuis, ils savent pas vraiment. D'accord. Enfin, à moins que tu l'aurais... À moins que tu non, les non, c'était vraiment ouais. Pour continuer la direction, mais pas d'un seul coup changer. Mais ok, c'est bon. Puis c'est qu'un disque pour moi, en tout cas, c'est qu'un disque. Honnêtement, je m'en fous. Bah, très bien. Et du coup, nous avons, pour commencer, donc Maria qui te parle. Simplement, elle te demande si les gens à côté de toi sont de confiance. Évidemment. Parfait. Et de l'autre côté, donc vous voyez que Maria, qui semblait travailler pour Flux dans une espèce de petit atelier aménagé dans l'arrière-salle, donc semble être une jeune étrangère, elle doit avoir 15-16 ans tout au plus. Et elle est accompagnée d'un garçon qui doit avoir environ le même âge, un petit rouquin, qui lui est équipé de lunettes pour se protéger les yeux, est une espèce de machine à soudure... Bref, tout le matériel adapté, et évidemment aussi de gros gants pour la protection. Bah moi, j'attends, je regarde. Je laisse, je suis un invité, donc... Moi, en effet, je laisse un petit peu les présentations. Je m'installe sur son canapé en ferraille. Parfait. Au moment où tu t'assois, tu sens une espèce de jeu au niveau du matériel, comme si... un peu plus et le tout risquait de s'effondrer. C'est normal. Bah, très bien, moi je... Je réponds... à... Maria. Oui, c'est Maria. C'est ça. Je réponds à Maria et puis je leur demande des nouvelles, comment ça s'est passé depuis mon absence. Hein, voilà. Je reprends, entre guillemets, le commerce en main. Elle te tient au courant. Donc, dans une langue que vous autres ne pouvez pas comprendre, elle t'explique que tout s'est bien passé et qu'elle a suivi les instructions que tu lui avais données et qu'ils attendaient ton retour pour tester une dernière fois l'appareil et que peut-être ils espèrent enfin que vous puissiez mettre à jour le secret derrière ce disque. Mokosh, toi qui es assis sur le canapé, d'un seul coup, tu entends un violent coup et tu vois la porte juste à ta gauche s'ouvrir et claquer contre le mur et une troisième silhouette apparaître dans l'encadrement de la porte, tout essoufflé en sueur avec des coutelettes sur le front, tu vois pareil, ça semble être un gamin encore plus jeune que les autres, 11-12 ans tout au plus, et il s'écrie à l'aide. Qui a-t-il? Il y a des hommes, ils sur la place, ils en veulent après casse-gueule. Ah, merde. La ils place... Ils sont en train de se battre avec lui. Ah, amène-nous là-bas. Tu vois, il est tout paniqué, il semblait vouloir aller l'aider. Il a l'air un peu rassuré de te voir, mais il tremble complètement. Et il commence à repartir dans l'autre direction. Et vous, je le suis. Il commence à courir ainsi à l'intérieur du quartier et vous le suivez pendant 5-10 minutes. D'ailleurs, vous autres, vous remarquez que ça doit être un gamin, il est plutôt rapide. Et vous finissez en fait un peu plus au sud, plus au niveau du Technocentre, je sais pas si vous voyez une espèce de grande place. Vous vous retrouvez au niveau de cette place et en effet, au premier moment, au premier coup d'œil, vous comprenez quelque chose ne va pas. Vous voyez une charrette dans laquelle était stockée la nourriture complètement renversée, la vitre d'une boutique sur le côté cassée, des taches de sang un peu partout par terre, des personnes un peu affolées autour. Mais personne. Aucune bagarre, rien. En tout cas, s'il y a une bagarre ici, il semble, les personnes qui s'y trouvaient ne semblent plus et être... Il y a des gens qui ont vu la scène, quand même. En effet, il y a des témoins. Tu vois des gens un peu en panique, tu vois un jeune, environ 22-23 ans, une espèce de fermier en train de rassurer sa vieille mère, toute tremblotante sur le côté. Bah, du coup, je me dirige vers eux et je demande, mais... qu'est-ce qui s'est passé? Où sont ceux qui ont causé tout ce problème? Il y avait deux gamins, ils étaient en train d'acheter de la ferraille. Et puis il y a des gars qui ont débarqué et ils ont commencé à se mettre les uns sur les autres. Et ils sont où maintenant? Je sais pas, ils sont partis vers le sud. Tu vois qu'il t'indique une direction avec sa main. Ils ont embarqué le petit. Ok, Je fais comme ça un peu le tour des gens, je leur pose un peu la même question, voir s'ils disent tous un petit peu la même chose. Okay. Et bien, je vais te demander du coup premier jet, tu vas me faire un jet de charisme. Je pense que tu vas me faire leadership, je dirais, et tu vas avoir loin un bonus vu que tu es en uniforme. Alors un bonus de combien? De 1 dé. Ok. J'ai fait deux succès. C'est pas ouf. Ok. Non, mais les gens ont pas spécialement plus de raisons que ça de vouloir te cacher ce qui s'est passé. Ouais. Donc, en une fois, tu vois que les autres corroborent à peu près ce qui s'est dit. Il y a eu une bagarre qui a éclaté entre des gars un peu étranges et un groupe de deux ferrailleurs qui se trouvaient, enfin de deux clanistes qui se trouvaient. Et d'ailleurs, ils pointent le petit avec qui vous êtes et disent qu'il en faisait partie. Bah du coup, je pense qu'on va aller dans la direction qu'ils ont indiquée. Ok. Vous autres, qu'est-ce que vous faites dans ce champ? Je vais dire. Vas-y. C'est des petits à toi. Flux. Les deux qui ont été agressés, oui. Les deux qui ont agressé, évidemment, non. Il va falloir trouver qui c'est. Et justement, je vais, moi, me retourner vers Bambino et lui dire de retourner auprès de Maria et qu'elle s'occupe de lui, tout ça. Ok, tu vois, il hoche la tête, il est encore tout en sueur. Et puis il dit juste, retrouvez mon frère, s'il vous plaît. Et puis ils sont là. C'est mon but, c'est bon. De toute façon, je pense que au fur et à mesure qu'on va se diriger vers la zone, il y aura peut-être des gens qui peuvent nous indiquer s'ils ont eu. Parce que là, les gars, en fait, quand ils nous ont expliqué, ils étaient à pied, ils le tiraient, ils le portaient, ils l'ont mis dans une charrette. Alors, ce qu'on t'a raconté exactement, c'est qu'en effet, il y a deux personnes qui étaient en train là, de faire du commerce de ferraille sur la place. Et il y a un groupe de trois personnes qui sont sorties d'une des ruelles sur le côté et qui ont commencé à s'en prendre à eux, notamment au plus grand d'entre eux qui était âgé visiblement d'une vingtaine d'années, donc le grand frère de Bambino. Ouais. Lui, d'instinct très bagarreur, a répliqué plutôt que de s'enfuir et le petit allait demander de l'aide aux autres. D'ailleurs, vous savez, dans la zone, il n'y a pas vraiment de force de l'ordre à proximité. Les juges, eux, ils se trouvent en haut de leur muraille, un peu plus loin au niveau du coup de la haute ville. C'est pas tant leur problème que ça. Enfin, du coup, le petit, visiblement, en tout cas, a préféré venir vous chercher, enfin, venir chercher du coup ses amis plutôt que les juges. Sans dire long sur la perception que ces derniers ont du métier. Et du coup, ils ont, comme tu dis, ils les ont embarqués. Ça s'est passé comment? Alors, ils ont embarqué l'un d'entre eux. En effet, ils ont fini par lui mettre un sac sur la tête et à repartir dans la même ruelle d'où ils étaient. Ouais, donc en gros, ils marchent avec lui, mais avec un mec qui marche avec un sac sur la tête, quoi. Donc en lui donnant évidemment de coups. Et d'ailleurs, ils étaient trois. Ouais, donc en gros, ouais, c'est visible. Oui. Tu passes dans la rue, tu peux demander aux gens, ils vont voir un mec avec un sac. Oui, sans doute. Si les gens ont vu, a priori, ça détend. Ouais, bah du coup, c'est ce que je fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance vers la zone, je demanderai aux gens où est-ce qu'ils ont vu passer ces gens et en suivre leurs indications. Eh bien, je vais te redemander du coup un jet de charisme, leadership. Toujours avec... Si seulement je le fais. Bah t'as le droit de le faire aussi, tu... Oh, tu peux m'aider, hein. Tu peux me donner un coup de main. Je suis sûr à poser des questions. Je pense que t'aurais dû le faire. Alors, c'est le jeu. Je vais vous montrer en direct. On part donc sur une seule réussite et trois échecs critiques. C'est ça. Enfin, trois échecs avec la petite tête, 3-1. Qui fait donc, ce qui constitue donc en effet un échec critique. Au bout d'un moment... Je suis mal vu dans le quartier. Mon cher Torik, en effet, vous pénétrez dans du coup l'une des espèces de ruelles, donc celle qu'on vous a indiquée. Vous remarquez que c'est une espèce de grande ruelle qui descend jusqu'au niveau du technocentre. Et à ce niveau-là, vous voyez voilà, des gens un peu accoudés à leur fenêtre. C'est une ruelle assez serrée. Il y a 2-3 boutiques un peu perdues à l'intérieur. Plus, évidemment, quelques habitations. Et au début, tu as un petit peu de mal à trouver des gens. Tu poses 2-3 questions vite fait et les gens diront oui, on a vu des types passer, c'était bizarre, vous savez ce qui se passe. Et puis un peu plus tard, plus vous commencez à vous enfoncer dans la ruelle, plus c'est bien compliqué. Notamment du fait que les gens sont, très... ils sont très reclus sur eux-mêmes. Ils ont accroché, par exemple, des bouts de tissu, des draps, des vieux rideaux aux fenêtres pour pas qu'on puisse voir l'intérieur de chez eux. Il y a toute une espèce d'une atmosphère un petit peu, justement, comme ça, renfermée. Ce qui fait que au bout d'un moment, au fur et à mesure que l'hospitalier marche dans la rue, les volets se ferment. Enfin, les volets. Les fenêtres se ferment. Les portes se ferment, les rideaux se ferment. Exactement, les portes se claquent. Ouais. En effet, visiblement, l'hospitalier, ces derniers temps, ont dû commettre quelques crasses et la confiance que les gens leur portent diminue plus ou moins en fonction des personnes et des expériences vécues. Je regarde mon dilacérateur, on sait jamais. Ouais, tout est normal. Ok. Pour le coup. Bon, du coup, on va mettre un peu en arrière le... Hmm, on va le mettre un peu en arrière. C'est-à-dire qu'on va marcher à deux, ouais, et lui un peu derrière, un peu moins mis en avant dans le groupe. Un peu moins voyant. Puis Mokosh a une bonne carrure. Mais je pour essayer plus... de... Du coup, vous le mettez un peu en arrière et vous continuez à marcher. Le sol, il est comment? Le sol, il est assez poussiéreux. Est-ce que ça veut dire que des traces pourraient être visibles, des traces de pas récentes? Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non, malheureusement, en effet, pas à ce point-là. Mais fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Vu que tu jettes un petit coup d'œil au sol. Instinct perception, avec une difficulté de 2 seulement, parce que de manière active, tu t'es mis à regarder. Perception, tu m'as dit. Ouais. Ok. De réussite. Parfait. Tu remarques à un moment quelques gouttes de sang. Tu t'arrêtes, tu te baisses et en effet, visiblement l'un des agresseurs ou l'agressé, en tout cas ou casse-gueule, a été blessé et quelques gouttelettes sont tombées légèrement dans la ruelle. Tu dis que peut-être que plus tard ça pourra vous aider à tracer le truc. Ça n'a pas l'air d'être abondant, ça n'a pas l'air d'être une blessure, c'est pas un bras arraché. Mais tu sais, plutôt un truc comme un nez cassé ou quelque chose comme ça, tu vois, qui saigne beaucoup, mais par petites portions. Et est-ce que dans les alentours, en avançant, on va commencer à en voir d'autres? Ou est-ce que ça va être vraiment... Ouais, tous les quelques mètres, tu vois, quelques gouttelettes. Alors elles sont assez fines, hein, par moment, des fois c'est un peu plus gros, à un moment tu vois une espèce de petit caillot, enfin... Bon... Ouais, c'est pas une ligne toute tracée jusqu'à destination, mais ça fait un... C'est du sang frais. Oui. Ouais. Oui, bah c'est une piste à suivre pour l'instant, je propose qu'on là, il y a quelques minutes. Ça. Ok, bon, on suit. Comment on peut. Au bout d'un moment, alors que vous avancez, vous entendez une porte se claquer à côté de vous. Et Flux, oula, Toric. Tu vois la silhouette d'un homme armé d'un couteau se ruer sur toi et gueuler « Enfoiré hospitalier !» Bah du coup, j'essaye d'esquiver. Ça paraît parfaitement logique et sensé. Fais-moi un petit jet d'agilité mobilité. Alors attends, agilité, mobilité. Oh là, j'ai pas beaucoup de... T'inquiète pas lui non plus, c'est juste un clampin. Va. 3 succès. Sur 3D. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, je vois des têtes de mort un peu partout, mais... En effet, j'ai fait 0 succès, 3 têtes de mort. Et ben moi, j'ai fait 3 succès. Un échec critique, un mec qui tombe dessus, mais il fait pas des meilleurs jeux. En fait, je lui mets un coup de dilacérateur dans la tronche. Je le tue pas, okay. Je lui mets juste un... Il se trouve sur toi, tu lui fous un coup de dilacérateur et il s'éclate au sol. Voilà. Et puis, tu vois, il commence à mettre ses mains sur la tête comme s'il avait peur que tu le frappes à nouveau et il commence à faire « Désolé, désolé !» Et je le calcule même pas, je continue. Ok, tu t'en vas. Ouais. Tu le calcules même pas. Quelques secondes plus tard, il repart de son côté dans chez lui, il referme la porte. C'est sans doute l'attentat anarchiste le plus bidon. Impressionnant. Ouais. Et vous continuez votre chemin. Voilà. Ce n'est pas la priorité. En effet. Moi, je trouve ça rigolo, t'as fait un petit échec critique, alors plus que d'être mal vu, il fallait bien qu'il y en ait un qui pète un câble, qui pète une durite sur toi. Voilà. Vous finissez par passer complètement votre ruelle. Et vous arrivez cette fois-ci en plein cœur du coup du technocentre. Vous voyez du coup les ferrailleurs vaquer à leurs occupations, aller à droite, à gauche. Vu que l'hiver arrive, en fait, la plupart d'entre eux sont retournés à Justicienne pour passer l'hiver et essayer de survivre au froid. Puisque les froids sont assez glaciers, justement, en Borca notamment. Vous savez que du coup, en tout, il y a environ 10 000 ferrailleurs qui, chaque année, en fait, viennent hiberner à Justicienne et puis repartent dès le lever du printemps en direction de la Borca orientale pour récupérer tout ce qu'ils pourront y déterrer. Borca Occidental, pardon. Vous voyez donc tous ces gars à droite, à gauche, faire leur truc, vous voyez des trafics de ferraille, des mecs avec des grands manteaux de fourrure, parce qu'eux, ils ont l'habitude de devoir, au-delà de se protéger de la poussière rouge, il faut qu'ils puissent résister aux dures conditions de vie dans les terres, désolé. Moi, je parle plus. Vous voyez, hein. Cependant... Moi, je parle plus, hein. Avec okay. Ce qui s'est passé, je dis plus rien. Je veux dire, vous ne voyez cependant rien qui pourrait avoir l'air pour l'instant d'être lié plus ou moins à l'enlèvement en plein jour qui vient d'avoir lieu. Mais c'est là que nous avons porté les traces. Oui. Mais vu que là vous arrivez sur tout quasiment le quartier, c'est évidemment difficile de zoner précisément où est-ce qu'ils sont passés. Vous vous doutez qu'ils l'ont pas traversé en plein milieu avec un type... sous le bras, justement. Ça serait légèrement suspect. Justement, ce que je voulais voir, c'est quand on arrive par la route qu'on a pris, au moins la ruelle, etc., en suivant les traces de sang, quand on arrive sur la place, je cherche de vue une rue qui est déjà adjacente, donc qui permet d'emprunter, qui justement, en fait, est cachée à la vue de tout, c'est-à-dire une petite rue, tu sais, genre la petite ruelle qui s'enfonce sur la gauche ou à droite. Et un peu discrète, un peu... Très bien, fais-moi un autre jet de perception. Oui, j'adore la perception. Ok. Il fait 2 réussites et un déclencheur. Dont un déclencheur. 2 réussites, dont un déclencheur. Tu jettes un petit coup d'œil et au niveau de l'une d'entre elles, en effet, t'aperçois de nouveau quelques gouttes de sang. Eh bien, j'y vais. Je suis. Bah, bien entendu, je leur fais signe de façon de me suivre. Hein. S'ils ne me suivent pas, je vais les choper par le col. Ah, il fait signe, bah, j'y vais pas. Vous marchez à l'intérieur et vous voyez que cette dernière semble donner tout droit sur le grand marché de la ferraille. Alors là, c'est des dizaines et des centaines et des centaines de ferrailleurs que vous voyez. Vous n'êtes pas encore sorti de cette petite ruelle, mais déambulés partout. Vous savez que s'ils sont passés là, par contre, ça va être impossible de les retrouver. Néanmoins, devant vous, vous voyez un vieillard au sol. Qui semble se tenir la jambe comme s'il avait mal. Hey, toi ! Oh, oui ? Tu vois qu'il lève la tête vers toi et qu'il peine à se relever. Je m'abaisse à son niveau. Mm-hmm. Dis-moi, j'aurais besoin de renseignements. T'as besoin de quoi, toi ? J'ai besoin de quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que parler gratuitement, ça me va. Un soin, peut-être ? Il semblerait que j'ai... Là, il jette le coup d'œil vers toi, il fait... ce serait pas de refus, c'est gratuit. En échange d'un renseignement. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Disons que je cherche des petits malandrins qui seraient passés par là avec un homme plus ou moins enlevé, plus ou moins contraint et peut-être même tabassé, donc en condition physique plutôt compliquée. Si jamais tu aurais vu même la trace de ce groupe passé, il semblerait que mon ami hospitalier peut faire des choses pour toi. Vous voulez dire le groupe qui m'ont poussé, là ? Ils sont arrivés à pleine vitesse. Hein, j'ai pas pu voir s'il y avait un type qui a été malmené, mais ce que je sais, c'est qu'il... Oh là là, aucun respect, c'est... Je confirme. C'était vraiment des malandrins. Tu sais par où ils sont allés ? J'ai rien vu, j'avais la tête dans la poussière, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, par contre, je peux vous dire que l'un d'entre eux... Il avait une sale tête. Ça, c'est sûr. Une sale tête, comment ? Je sais pas, des cheveux... Des cheveux gris plaqués en arrière, et puis une espèce de grosse trace qui lui remontait le long de la joue jusqu'à l'œil, complètement blanc. Je l'ai vu parce qu'au moment où il m'a poussé, et il s'est retourné et m'a jeté un regard de mort, comme s'il allait revenir me chercher pour finir le taf. Je vois. Bon, Toric, occupe-toi de lui. Ok. 3 succès. Parfait. T'arrives, tu touches un peu, tu vois que ça n'a pas l'air cassé, c'est juste un petit vieux qui vient de faire une petite chute. Tout va bien. Tu l'as à se relever, bon, tu... Et tu lui dis de faire attention la prochaine fois. Donc on cherche un mec avec une sale tête. Presque une cicatrice sur la tronche, quoi. Ouais, il a une cicatrice et les cheveux blancs plaqués. D'accord. Et un œil mort. Oui. Ça va avec la cicatrice. Un œil crevé. On va... Non, mais parce qu'il a décrit avec la cicatrice. Allez, oh ! Je voulais dire, du coup... Tu as perdu ta voix. Tu as perdu ta voix. Je sais. C'est le joueur qui parle. Juste... Du coup, je propose à mes amis, s'ils sont d'accord, dans ce discours indirect, de se séparer, de chacun aller se renseigner si les ferrailleurs ici présents ont des connaissances de gens correspondant à ce physique. Moi, je mets juste un petit bémol. Tu crois que c'est sûr qu'il vaut mieux que je me sépare de vous après ce qui s'est passé juste avant ? J'avoue ne pas connaître... l'avis de tous sur toi. Okay. Si tu resteras avec Mokosh, personnellement. Ouais, on peut faire un groupe, toi et Mokosh et moi de mon côté. Ça sera un peu moins efficace, mais peut-être que pour toi, ça sera mieux. Ouais, il vaut mieux, ouais. Mokosh, ça te va ? Ouais. Ok, Mokosh. Eh bien, on va faire ça. Ok. Vous vous séparez donc au niveau de la place principale ? C'est ça, en fait, on va chercher dans la place. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on se sépare dans la place, qu'on se renseigne un peu. Est-ce que vous n'avez pas vu un mec avec cette description ? Et puis voilà. Il y a Mokosh et Yama. Pas dans le sens où ils allaient. Ils ont renversé un vieux, on sait vraiment quelle sens ils vont. Oui, et du coup, ça donne sur la cette fois-ci la vraiment la grosse place qui est le. Ah, d'accord. Le marché de la fête. J'avais pas compris que la place donnait sur une place. Oui, si, c'est ça en fait. Bah, en fait, ils sont allés de place en place pour en passant par les petites ruelles. Là, okay. Par contre, difficile de savoir exactement. Bah, du coup, c'est un peu à 360 degrés. Ouais. Et les traces de sang vont pas non plus durer plus loin que ça. Quoi. Là, ça devient un peu compliqué. Ouais, il coagule le gars quand même, tu vois. Au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Il pourrait avoir des problèmes de santé qui l'empêchent de coaguler. Ouais, il n'est pas hémophile. Il n'est pas hémophile, désolé. Ouais. Ma sœur l'est. Ça intéresse quelqu'un ? Non. Reviens, Efflux. J'ai une sœur. Ma sœur aussi. Quelle approche est-ce que vous allez parler aux gens ? Je vais vous raconter, chacun après les uns après les autres, je vais vous décrire un des ferrailleurs sur lequel vous tombez. Et je vais vous demander de me dire ce que vous lui dites. Efflux, toi, le premier bon gars sur lequel tu vas tomber, c'est un petit homme. Qui doit avoir la trentaine, quarantaine, difficile à connaître. Il a une tête toute ronde avec pas un cheveu sur le caillou et des petits yeux marrons avec lesquels il te regarde en levant la tête. Chroniqueur, dit-il tout simplement. Eh bien, cher ami ferrailleur, j'aurais besoin de votre service sans que ce soit pour une fois un travail physique. Je suis à la recherche d'une personne, d'un je pense ferrailleur comme vous, mais je ne m'en suis pas sûr. C'est un homme qui a les cheveux blancs plaqués et qui est notamment reconnaissable par une énorme cicatrice qui lui traverse la joue et lui donne un œil mort, donc blanc. J'ai été plus ou moins été confronté à lui, et il me doit quelque chose et j'aimerais bien le retrouver. Et il semblerait que ça passait par là il y a très très peu de temps. Donc si jamais vous avez de quoi parler, j'aurai de quoi vous récompenser. Fais-moi un petit jet de charisme négociation, s'il te plaît. Merci. De ton côté, tu vas pouvoir m'envoyer le résultat. Torik, toi tu te diriges vers une petite dame qui, elle, propose simplement à manger aux passants. Tu vois, en fait, elle est à sa petite étale. Et puis, au moment où tu passes devant elle, elle t'accoste et elle te fait brochette de taupe, purée de cafard, chat de gouttière, qu'est-ce qu'il vous faudra ? N'hésitez pas. Les prix sont très compétitifs. Une petite fin, hospitalier. Si jamais vous voulez tester la marchandise, elle est d'excellente qualité. Alors, je n'en doute pas, mais je passerai mon tour. Par contre, vous pourriez peut-être m'aider. Nous sommes à la recherche, mes camarades et moi. Donc je monte Mokosh qui... Parce que je me suis pas trop éloigné de Mokosh quand même, hein. Je suis pas loin. Tu les prends du doigt pendant que les autres parlent à d'autres gens. On se voit mutuellement, je pense. C'est ça. C'est la place des ferrières avec les trois étrangers en train de discuter. Leur voilà, et du coup, on recherche une personne en particulier. C'est un homme... qui serait les cheveux blancs plaqués en arrière avec une cicatrice notable sur le visage, donc avec un œil crevé. Nous aimerions le voir assez rapidement et j'ai cru comprendre qu'il était passé très récemment, donc si jamais vous l'aviez vu, ce serait fort aimable de me le dire. Toi, tu vas me faire un jet de charisme leadership. Eh ben, est-ce que je vais me faire planter? Et alors, est-ce que j'ai droit encore à mon bonus de 1 parce que je suis en uniforme? En effet. Ok. J'aurais dû l'accorder à Flux aussi, j'y ai pas pensé, mais bon. De toute façon, ça l'a pas empêché de réussir son jet. Eh ben là, c'est beaucoup mieux. J'ai 5 succès, dont un déclencheur. Parfait. De ton côté, Mokosh, toi, tu te balades dans la foule. Et au bout d'un moment, t'arrêtes une personne au hasard et tu vois que tu tombes sur une espèce de grand ferrailleur élancé avec des cheveux très longs attachés en arrière. Mmh. Si tu veux. Je cherche un type. Il a des cheveux blancs plaqués en arrière, il a une grosse cicatrice et un œil mort. T'es direct, toi. Toi aussi, j'espère. Pourquoi tu voudrais que je te parle? Je te connais pas. Je pense que t'as envie de parler. Fais-moi un petit jet de psyché domination. Ok. Deux réussites. Ok. De ton côté, Flux, tu vois le gars qui te fait. Ouais, je crois bien avoir vu un type comme ça passer. Tu vois qu'il te pointe une direction, mais je suis pas trop sûr. Mais en effet, il avait une gueule et. Tu vois, il te pointe là. Allez voir par là, on sait jamais. Ton côté, Toric, tu vois la nana qui te fait. Ah bah oui, bah, je vois très bien de qui vous parlez. Ça doit être Croco, C'est pas un mauvais type, mais il traîne un peu dans des affaires louches, si vous voyez ce que je veux dire. Et toi, ton côté Mokoche, le mec te snob en crachant par terre. D'ailleurs, si jamais du coup vous voulez répondre à vos PNJ, n'hésitez pas. Je suis un petit peu sans alterner, on teste des trucs. Je lui donne 5 lettres de change. Ok. Il te remercie, il te fait bon, c'est gentil. Du coup, de mon côté, je lui dis, et du coup, vous savez où je peux le trouver, ce croco? Je sais pas, mais je sais qu'il vient ici tous les matins pour prendre l'un de mes ragoûts, alors. Il est passé aujourd'hui? Ouais, il est passé aujourd'hui, il est passé ce matin, il était avec ses. Je sais pas si c'est ses frères ou ses cousins. Et mais vous savez pas où il vit? Dans le sec, dans le coin? Non, du tout, je sais juste que c'est un client régulier, mais quand je vous dis. Il est pas méchant, c'est juste qu'il traîne dans des affaires un peu bizarres. Oh, je comprends bien. Après, on. Vous savez, pour juste... nous, les ferrailleurs ici, c'est compliqué. Hein. Il y en a beaucoup qui tombent vite dans le vice de rejoindre le cartel pour pas avoir à faire la manche comme certains. Ouais, je comprends bien. C'est pas simple tous les jours. Je me doute bien. En tout cas, merci, madame, et bonne journée à vous. Pas de soucis. Vous êtes sûr que ça vous intéresse pas une petite brochette? Non, merci. Je vous la fais à moitié prix. Non, merci. J'ai déjà mangé, malheureusement. Moi, tu vois, elle te laisse, partir. Elle insiste pas plus et puis elle va au niveau de ses autres clients. D'accord. Toi, de ton côté, Mokoche, tu l'ignores ou. Non, là, j'ai juste m'en aller. Logique. Eh bien, vous vous retrouvez au centre de la place. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Un connard. Père causant et flux. Une direction. Et moi, non. Eh! Ça nous fait tous avancer. Quel est le nom? Ce serait. Donc, notre homme serait un certain Croco. A priori. La personne m'a dit que ce serait pas un mauvais bougre, mais qu'il a tendance à se mettre dans des histoires un peu farfelues et qu'il vient tous les matins à son stand. Je pointe à la dame du doigt. Hélas, elle l'a déjà vu ce matin et elle ne sait pas où il vit. Donc. Évidemment. C'est dommage que maintenant il a fait une erreur de peau. Moi, la direction, c'était par là. Eh bien, allons par là. Et toi, le. Et vous arrivez au niveau d'un cul-de-sac. Vous voyez, pareil, ça semble être le début d'une petite ruelle et vous avez 2-3 portes. Qui semblent, elles, donner du coup sur des habitations. D'ailleurs, au moment où l'une d'entre elles s'ouvre et vous voyez une petite dame en sortir et se diriger avec jusqu'au niveau du marché. Est-ce qu'il n'y aurait pas des traces de sang, genre sur une poignée de porte ou sur un truc? Fais-moi un jet de perception. Moi, pendant ce temps-là, j'interromps la dame et je lui demande poliment. Oh, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous savez si je peux trouver Croco par ici? Le gamin, là. Vous êtes un de ses types, hein? Non, pas vraiment. Mais il faut quand même que je le vois. Elle tourne la dernière à droite, puis elle s'en va. Bien, merci. De ton côté, Torik, malheureusement, tu ne trouves rien. Mais Flux semble avoir obtenu les informations que vous souhaitiez. Vous vous rendez donc au niveau de la dernière porte, celle sur la droite. Que faites-vous? Vous voyez que c'est un bâtiment qui n'a pas de fenêtre. Mokosh. Vous êtes ok? Toc, toc, toc. Pas de réponse. J'entre. J'essaie déjà de simplement ouvrir la porte. Bon. C'est une porte en quoi? Métal? Ouais. Défoncée par un métal, c'est chaud. Très très bonne qualité, mais c'est ça, c'est un truc d'acier. Du coup, elle est fermée à clé ou Oui. Elle s'ouvre? Oui, c'est ça. Je viens de faire le test. Pas forcément des clés, parce que le fait... Enfin, quoique il y a des ferrailleurs qui sont largement capables de faire des serrures, mais des fois, ça va être simplement quelque chose que tu vas rabattre à l'intérieur. C'est un petit verrou, un petit machin. Ouais, voilà, exactement. Ça dépend. La plupart d'entre eux sont des types qui n'ont pas grand chose à voler, ils sont pas là toute l'année, donc c'est pas... Voilà, les ferrailleurs ne s'attachent pas trop aux choses qu'ils ont. Voilà, ils vont pas avoir des trucs, des objets de valeur auxquels ils tiennent beaucoup. S'il y a un truc auquel ils tiennent beaucoup, ils se baladent tout le temps avec. Mm-hmm. Je tente un coup de bluff. Est-ce que je sais, avant de tester totalement à toi, mais est-ce que je sais que certains malandrins, ferrailleurs, puissent avoir des codes pour se reconnaître? Et par exemple, celle de toquer sur la porte, par exemple, en faisant trois coups longs, et enfin trois coups courts et un coup long, ouais. Quelque chose du genre. Est-ce que j'ai une connaissance de quelque chose comme ça? Et sinon, je tente un code au... Ok. Tu vas me faire un jet d'intellect légende. Ah, je suis content. Une difficulté de 4. Oh, c'est chaud. Ça peut se tenter. Ah, c'est chaud. Alors, du coup... Attends, j'ai 4 dés pour 4... Il faut faire 4 succès. Track. Que des succès. Allez, là t'as la main chaude. Évidemment non. Ça aurait été incroyablement chanceux, mais je suis quand même content du résultat. Mais évidemment. Ah, il y a un déclencheur. Bon, on s'en fout. Il y a un déclencheur. En effet, non, c'est vrai que c'est une bonne question maintenant que tu pourrais tenter. Et du coup, tu tentes un code en effet au hasard, mais rien ne se passe. Est-ce que c'est la seule visuellement là comme ça, c'est la seule entrée? Enfin, c'est le seul moyen d'accéder. Tu peux faire le tour du bâtiment si tu le souhaites. Bah oui, apparemment il n'y a pas de fenêtre. Bon. En faisant rapidement le tour, tu remarques que de l'autre côté, en fait, en reprenant la ruelle et en reprenant l'avenue principale qui passe derrière, ouais. Ce que tu juges est à peu près le même bâtiment, du coup, enfin la même petite maison, enfin habitation de l'autre côté. Il semble y avoir une espèce de grand rideau abaissé. Tu sais, comme les rideaux des magasins ou les portes de garage. Ça, on peut y accéder, hein, du coup, par là. Oui, elle est fermée aussi. Mais c'est déjà plus facile à forcer, même si ça se trouve sur l'avenue principale. Enfin, sur une rue. Donc on serait à la vue de tous, quoi. On serait en train d'ouvrir un truc. Malheureusement, plein jour, c'est un peu compliqué. Ouais, donc ouais, non, on va éviter. Surtout après, si jamais vraiment vous voulez y aller, au pire, vous pouvez se dire bon, on assume, si on vient nous chercher, c'est possible. Non, sinon. T'es hospitalier, tu représentes un peu l'autorité ici. Ouais, enfin bon, il y en a un qui a voulu s'uriner juste avant, hein, je te le répète quand même. Sinon, discrètement, je demande à mon coche tu penses que tu pourrais l'ouvrir la porte, toi? C'est de l'acier. Non, mais il a dit que c'était pas non plus. Je pense que si je tape là où il y a les joints de la porte, ça peut marcher. C'est un verrou, quoi. C'est pas non plus Fort Knox. Le mur est sûrement plus friable que la porte. Donc si je tape au bon endroit, la porte s'en va, quoi. Du coup, vous retournez au niveau de la porte ou du rideau? Vous restez au niveau du rideau? Ouais, la porte, c'est mieux, je pense. Non ouais. C'est l'abri des regards. Vous repassez de l'autre côté, en effet, à l'abri des regards, vous vous mettez dans l'ombre. Et Mokosh, fais-moi un petit jet de body et force. Okay. Donner un énorme coup de pied à l'endroit où tu juges voir le gars. Péter les muscles. 3 réussites dans un déclencheur. Ok. Tu donnes un énorme coup de pied et d'un seul coup la porte vole en éclats. C'est même pas, elle s'ouvre, c'est elle tombe. Enfin voilà, elle s'éclate par terre. Et t'as un espèce de nuage de poussière un peu qui s'élève et vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment. C'est une pièce qui n'est non éclairée. Et à première vue, il ne semble y avoir personne. Je me tourne vers les flux. Lumière. Évidemment. Lumière. Lumos, tu t'allumes. La musique était bien synchronisée avec cette action, je trouvais. Et tu découvres en effet une espèce de taudis avec des vieux matelas posés à même le sol, un peu de poussière sur les meubles, deux, trois étagères, quelques assiettes non lavées en étain posées au niveau des tables. Quelques lumières, quelques lampes à insectes dans le but d'éliminer ces saloperies de mouches, de moustiques, porteurs de soir. Et à l'arrière de la salle, ce qui semble être déjà le cabinet des toilettes, qui est vide, ainsi qu'une autre chambre, avec cette fois-ci une espèce de grand lit, mais également vide. Pourtant, sur le lit, tu aperçois ce qui semble en effet être une espèce de sac à patates avec une importante trace de sang à l'un des endroits, ainsi que quelques bouts de corde à droite à gauche. Je pense que c'est les anciens. C'est ensanglanté, c'est ça ? Ouais. En touchant, tu vois beaucoup. Que c'est récent puisque le sang se dépose sur ton doigt. Tu vois que vous devez être à peine 20 minutes derrière eux, peut-être. Au plus, c'est encore un peu liquide. Ouais, donc c'est ils prêt, sont quoi. Passés par là. Ils sont rentrés ils dans sont la repartis. Maison. Et ils sont repartis. Vous remarquez aussi de côté, votre côté Mokosh et Torik, au niveau du rideau de fer, déjà le moyen de l'ouvrir, et ainsi que poser à droite à gauche une espèce de grand chariot dans lequel sont posées deux grandes bâches et un peu de ferraille. Sortir les bâches. Il n'y a rien en dessous. Je pense que. Toutefois. Ils ont peut-être utilisé un chariot. Sous le ça. Bois du chariot, sous la bâche, tu peux apercevoir du sang, mais cette fois-ci séché, comme s'il était vieux. Je pense qu'ils ont un système de chariot pour transporter après. Il faut juste savoir où est-ce qu'ils emmènent, et ça, c'est un peu chaud. Et ben, je vais fouiller en profondeur la maison, à la recherche du moindre. J'allais dire document, mais même pas la moindre chose qui pourrait sauter aux yeux. Ouais, ou une trappe, peut-être un truc qu'on n'aurait pas ouais, vu. C'est ça, même une trappe cachée. Faites-moi tous des jets d'instinct, perception, s'il vous plaît. Oui, Mathieu. Je suis aveugle. Moi, ça va. 4 réussites. Lève la bâche, il y a un type avec un couteau qui dit mort hospitalisé sur toi, il s'en va. C'est la seule chose que j'ai fait dans ce jet. Bon, t'en fais pas, tu veux un échec critique, un jet de perception, ça va, tu peux pas. Oui, je suis aveugle, je ne vois rien. C'est sale, j'ai pas envie d'y toucher. C'est vrai. C'est vrai que ça fait un petit peu Robert de Toxico. Voilà. Vous autres, par contre, vous vous en sortez plus ou moins bien. Et en effet, vous trouvez à l'intérieur d'une poubelle des espèces de papiers repliés sur eux-mêmes. Et aussi, invraisemblable que cela puisse paraître, en les ouvrant, vous découvrez que cela semble être des notes relativement importantes, alors que ces dernières auraient clairement, en théorie, dû être brûlées, vu qu'il est mentionné dessus. Assez rapidement, vous comprenez qu'il s'agit d'une espèce de trafic d'êtres humains. Ça parle d'esclaves, de 2500 lettres de change et de Féropole. Féropole, vous savez, c'est une ville qui se trouve pas très très loin de Justicienne et qui est un petit peu le repère des criminels où les juges balançaient justement toutes les raclures dont on voulait pas à Justicienne. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté de s'en occuper Et ben, les criminels ont commencé à faire leur propre vie là-bas. C'est d'ailleurs l'une des villes les plus proches de Justicienne. Et vous savez que là-bas, on peut y trouver tout et n'importe quoi. Et en général, les juges laissent les apocalyptiques de Féropole tranquilles à partir du moment où ils vont pas emmerder la capitale. Donc c'est plus un repère, on va dire, passif qu'on va dire un camp de bandits ou quelque chose comme ça. C'est juste un coin mal famé. Eh bien, ça serait bien d'emprunter du coup le chemin le plus direct à celui-ci. Parce que je suppose que s'ils transportent en chariot, bah du coup personne ne les arrête et donc du coup bah ils quittent la ville d'un moyen ou d'un autre et qu'ils se rendent là-bas. On connaît assez facilement qu'ils doivent récupérer des jeunes dans la fougue de l'âge, les envoyer sous les chariots avec une capuche, un baillon ligoté comme pas possible. Les planquer sous les bâches, en effet, t'es pas contrôlé pour sortir de la ville, t'es contrôlé quand tu rentres, mais quand tu rentres, bah si t'as personne dans ton chariot, les hospitaliers le voient pas. Hospitaliers. Heureusement pour vous, c'est la route maintenant à Féropole. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, vous avez la carte. Vous allez voir que Féropole se trouve en fait à l'ouest de Justicienne. Donc c'est assez loin, mais vu qu'ils ont un chariot donc qui est sans doute tiré par un cheval ou tiré par eux-mêmes. Ils vont mettre clairement beaucoup plus de temps que vous, donc vous savez que vous n'allez pas avoir de mal à les rattraper si vous partez maintenant, je crois. Bah, de toute façon, pas maintenant. Vous souhaitez prévenir qui que ce soit? Demander à des juges de... Parce qu'en soi, vous n'êtes même pas obligé d'y aller vous-même. Même si je sais que vous n'avez pas trop une bonne opinion des juges, vous pouvez décider de les d'envoyer une... Enfin, de prévenir une caravane... Un groupe, rien qu'en montrant les documents, vous savez que vous avez des preuves qui sont assez convaincantes en tout cas. Moins que vous soyez des petits plaisantins qui les aient falsifiés pour faire perdre leur temps aux autorités. Après, moi je vais plus, personnellement, j'ai plus laissé gérer Flux parce que à la base on fait ça pour lui, donc c'est lui qui va décider un peu de si on fait ça un peu nous-mêmes ou si on fait intervenir des gens. Parce que bon, voilà quoi. Moi, je préfère y aller. C'est bon. Entre le juge que je viens de tromper et celui-là qui voulait me tuer il y a quelques semaines de ça. Bon. Je pense que les juges ont un petit problème avec moi. Et j'ai un problème avec eux. Même si je sais pas de quelle nature était-ce. Donc, je préfère m'en occuper. Et il y a juste, pour sortir de la ville vers cet endroit, on part par où? C'est quoi, la ville basse ou un truc comme ça? À la ville basse, ou... La porte la plus proche, ça va être... Alors, soit ils ont pris la route pour Shulkbridge, comme ils appellent ça en anglais, en version originale, qui du coup est la plus proche de votre position comme sortie de la ville, mais qui donne vers l'est, ce qui voudrait dire qu'après, ils aient fait un détour. Mais en effet, le plus logique est qu'ils simplement ils aient traversé la banlieue et qu'ils soient passés au niveau de la ville basse et qu'ils aient pris la route de Lika. Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un système de messagers dans des Genesis? Genre des gens que tu peux payer pour donner un message? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, je vais juste... Tu as même des crieurs publics, mais qui... Alors, soit tu vas voir les gars avec beaucoup de coffres et une petite cloche qui vont essayer de passer des appels, tandis que les chroniqueurs, eux, passent les leurs depuis les haut-parleurs. Soit en effet, tu vas avoir ce petit côté un peu gamin des rues, des quartiers de Stukov qui descendent dans la ville et proposent comme ça leur service aux gens en échange de quelques lettres de change. Je vois un gamin des rues et je lui dis tout simplement d'apporter le message de mon départ pour l'affaire en cours, on va dire. Si on ne peut pas donner trop d'infos. Et qu'il aille transmettre ça du coup à Marianne, Noah ou Bambino. Ok. Tu sais d'ailleurs que ce sont les gens qui reçoivent le message qui paye. Qui paye? Est-ce que je peux faire une avance? Si tu veux. Mais du coup, t'as pas vraiment l'assurance qu'il fasse. Quoi. C'est une séance de bonne confiance. Quoi. A priori, ça lui demande pas non plus. C'est pas trop risqué de pas le faire. Mais oui, en effet, tu sais que c'est convenu que ce soit les gens qui reçoivent le message qui paye. Ce qui a donné notamment lieu à pas mal d'arnaques les deux gamins qui viennent qui te disent passer un message. C'est pour ça qu'il faut toujours demander le prénom du. De pas du destinataire, mais de l'expéditeur. Pour être sûr que le gars soit pas juste en train de te donner, de demander de l'argent. Je rembourserai ceux qui reçoivent le message. Parfait. Du coup, là, tu le donnes. Franchement, il fait ça pour deux lettres de change, largement. Ça lui paye son repas le soir. Quoi. Ok. Et il y va. Et vous, de votre côté, vous repartez. Vous traversez la ville et du coup, vous reprenez la route en direction de Lika. Vous savez que normalement, vous n'allez pas en avoir pour longtemps. Vous savez même pouvoir les rattraper avant la tombée de la nuit, largement. Toutefois, au début, lorsque vous prenez la route en direction de Lika, vous vous frayez un petit peu à certains groupes de voyageurs qui bouchonnent un peu légèrement au niveau du départ de la ville. Et notamment au niveau de certains groupes de juges et potentiellement aussi hospitaliers. Est-ce que vous souhaitez rester un petit peu avec eux, pas dans le sens vous mêler au groupe, mais pas très très loin au début, ou est-ce que vraiment vous essayez de vous détacher au possible des autres groupes? Bon, on avance. Ok. Ouais. Donc le plus vite possible, parfait. Vous vous en détachez, vous avancez, et puis vous partez de votre côté. D'ailleurs, de quoi est-ce que vous discutez sur ce trajet, même si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, mais j'imagine que vous êtes peut-être essayé de prévoir un petit plan d'action, quelque chose, ce que vous voulez. Vous avez le droit aussi de revenir et de juste courir. Je demande à Efflux, je dis, mais ces gamins, ça fait longtemps qu'ils bossent pour toi? Quelques mois. Quand on est rentré de Purgari, en fait, j'ai repris ce magasin abandonné. J'ai engagé quelques personnes pour pouvoir qu'on travaille ensemble. Et c'est toujours les gamins que tu fais bosser ou tu prends des adultes aussi? Ouais, quand j'avais dit des gamins, c'est plus à titre d'expression, genre... Enfin, ça va du coup de 11 à 19 ans. Bon, 19 ans, c'est pas... Oui. Ouais, après, pour moi, c'est des gamins parce qu'on est plus âgés, quoi. Ouais, ça, c'est des gamins des rues, mais finalement, ils ont que... Je t'ai pas dit que tu fais bosser les gens de 6 ans, mais... Voilà. C'est-à-dire que ce sont déjà 22 ans par exemple, 19 ans, tu vois, enfin voilà. 22 ans dans le cas de... Ah non, oui, c'est l'expérience de Flux, je raconte n'importe quoi. Ça reste... 250, j'aurais dit 250 ans. Ça reste des gamins, tu vois, c'est générique, quoi, c'est ça. Mais tu sais, c'est les personnes qui ont le plus besoin d'aide, le plus besoin d'un cadre pour travailler, et honnêtement, entre Maria qui allait finir... à servir quelques... Excusez-moi, je me fais spammer le message. D'accord. oui, contre Marie qui allait finir à servir quelques apocalyptiques ou tout simplement travailler pour moi dans le respect de tous ses droits, je préfère la seconde solution. Alors, je te dis ça parce que... étant donné que tu embauches des gens, pourquoi tu pourrais peut-être embaucher les autres? J'embauche ce que je peux. Après, je n'ai pas un argent illimité. Je n'ai pas un service illimité. Je n'ai pas une taille illimitée. Oui, non, je dis ça, mais genre après... Mais j'ai déjà proposé mon service au claniste avec qui on a fait chemin. Voilà, c'est ça. C'est deux que je... Pas plusieurs d'entre eux, d'ailleurs. Mmh. Alors, j'ai proposé, si je me trompe pas, à Bran et Sonia, et... Non, c'était pas... Oui, c'était Emmerich. Ouais, l'espèce de vieux loup de mer. Mais voilà, je propose à ceux qui sont dans le besoin, mais après, effectivement, quand tu tombes sur des gamins des rues qui sont pauvres, c'est plus facile de leur proposer ce genre de travail qu'à des gens qui sont déjà entraînés dans des clans. Oui, si c'est sûr, ils bossent pour rien. D'ailleurs, je précise aussi, parce qu'on n'avait pas parlé avant, la moto, donc Abby, est restée du coup chez Afflux. Ah, cool. Enfin, démonter. Je suis pas revenu là-dessus parce que j'étais en mode voilà, vous l'avez pas laissé à l'entrée de la ville, vous l'avez ramené dedans. Et en effet, a priori, même si vous êtes en train de faire une espèce de course-poursuite, c'est plus intéressant de faire du 3 contre 3 si vous les rattrapez à pied parce que vous savez que vous allez les rattraper parce qu'ils vont être plus lents et qu'ils arriveront jamais à faire au pôle, ça c'est évident avant vous. C'est... plutôt que d'y aller simplement à 2 en moto mais d'être que 2 contre 3. Minimum, vous savez qu'ils sont 3. Mais voilà, enfin, vous étonnez pas, elle a pas disparu, elle est de loin. Je vais le préciser. C'est ce qu'il en reste. D'ailleurs... Ouais. Non, rien, non, pas... Je restais un peu dans la discussion. par rapport au gamin et tout. Mais tu sais s'il avait déjà eu des emmerdes avant ton jeune là? Qu'est-ce que les... Oui. Il aime bien la confrontation, disons que je pense qu'il pourrait bien s'entendre avec Mokosh. Mais il n'est pas plus à problème que ça. Hein. La preuve ici, il est plus victime que coupable. Uh-huh. Mais ça reste un jeune DOU, il est un peu casse-cou, mais c'est une bonne personne. Ok. Écoute, ma foi. Au bout de quelques heures, vous semblez avoir complètement dépassé les groupes qui se trouvaient derrière vous. Et vous remarquez quelque chose d'assez étonnant. Au loin, quand vous montez par exemple sur le haut d'une petite dune, d'une petite colline, et que vous faites un regard panoramique autour de vous, vous remarquez qu'il semble y avoir comme un brouillard, comme une espèce de... Vous savez, cette perspective atmosphérique qui rend les paysages loin très clairs et flous, ils se perdent comme ça dans l'horizon. Mais là, c'est relativement élevé. Comme si, par exemple, une tempête approchait ou quelque chose comme ça. Heureusement pour vous, c'est relativement loin. Vous savez que vous serez rentré à Justicienne avant que ça vous tombe dessus. Mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire que... Ah, il faudrait peut-être le prendre en compte dans les jours à venir, si jamais vous seriez amené à de nouveau quitter la ville. Et puis, un peu plus tard, de nouveau, en faisant un point, évidemment, vous savez, la route, elle est pas toute droite, hein, entre les carcasses de voitures ou autres, vous êtes souvent amené à dériver un petit peu pour rejoindre un bout de route un peu plus loin. Vous apercevez une charrette dans un fossé. Étonnamment similaire à celle que vous aviez aperçue à l'intérieur de la maisonnée. Et pas très loin d'elle, vous remarquez comme des silhouettes immobiles. Ils sont trop loin pour l'instant, vous avez du mal à voir, et une espèce de ruine juste derrière. Je pense que l'attitude des Mokosh est explicite. Ouais. Pour cette fois, ouais. Ça sent très mauvais tout ça. Moi, je vais avancer éteint pour qu'on a l'avantage si jamais c'est hostile ce qui se passe vers les ruines. Parfait. Et au besoin, je serai là en soutien. Vous avez l'habitude. Moi, tous un jet de perception. Oui. Avec une difficulté de 3. Je suis très mauvais en perception, moi, en ce moment. Oui, que... Il n'arrive à rien en ce moment, c'est terrible. Ouais, de ouf. Heureusement, mais je me venge, c'est pas grave. L'homme de la situation. La personne de la situation est là, et elle se nomme Efflux. Et Efflux, tu remarques un truc. En fait, tu remarques deux trucs. Premièrement, les trois silhouettes que tu aperçois, ce sont des silhouettes de juges. Et deuxièmement, ils ont l'air bien morts à l'entrée des ruines. Ouais, je supposais un peu le mode, on appelle ça, épouvantail. C'est un peu ça, mais en fait, vu leur position, tu vois qu'il y en a un, il est, tombé le dos sur un rocher. Ils ont pas l'air d'avoir été placés là vraiment en épouvantail, même si de loin ça pouvait donner cette impression, mais ils ont juste l'air de s'être fait descendre comme des merdes à l'entrée des ruines. D'ailleurs, tu remarques aussi que le chariot, quand je disais qu'il était dans le fossé, il est tombé dans le fossé. Il n'a pas été garé. Il y a eu du combat, quoi. C'est un combat. Et il est tombé du côté fossé de la ruine ou de l'autre? De l'autre côté. La ruine est légèrement surélevée par rapport à la route, qui est légèrement surélevée par rapport. Et il y a quoi dans le fossé? C'est plus une espèce de petite descente, tu vois. Il y a un petit creux et puis après ça repart. Il y a quoi de l'autre côté de la route? Il y a la ruine là, il y a la route, et de l'autre côté, il y a quelque chose ou c'est vide? Alors, juste côté, le paysage. Alors tu vois des vieux panneaux avec du lichen accroché, tu vois des pierres, tu sais, sur lesquelles les voyageurs ont justement entreposé des pierres les unes sur les autres pour témoigner de leur voyage. Ça sert aussi éventuellement de balise mais rien de plus que les désolations. Ouais. Alors au loin, tu aperçois d'autres ruines, mais elles sont assez éloignées. Oui, donc quelqu'un qui reste caché en panique, qui répulse dans les ruines. Ouais. Okay. De loin, tu n'aperçois pas d'autres silhouettes. Il ne semble pas y avoir de gens ni derrière vous, ni proche, enfin devant vous, qui sont soit suffisamment proches, en tout cas, pas à 15 minutes, 20 minutes minimum. Bon. Les amis, les trois silhouettes qui nous font face sont mortes. Si danger il y a, elles ne viennent pas d'elles. Ce qui signifie qu'il y a sûrement eu altercation ici, sûrement combat, et sûrement qu'ils sont actuellement réfugiés dans les ruines. Donc on peut quand même avoir l'avantage dans le sens où si on arrive à boucher les entrées des ruines, bah c'est nous quoi. Ouais, Flux, on aura l'avantage sur eux. Rappelle-moi combien ils étaient les gars qui s'en sont pris à... 3. Ok. Mais ce sont pas des juges, donc au moins c'est pas ce qu'ils sont, j'espère. Mais ce qui du coup signifie quand même qu'ils ont l'air de s'en sortir au combat, pour avoir réussi à kidnapper une personne, pour sûrement avoir tenu tête au juge si les morts sont récentes. Ce qu'on sait pas, hein, si ça se trouve, ils sont là depuis bien longtemps. Mais si jamais c'est eux qui ont laissé ça derrière... En tout cas, c'est sûr, c'est que les cadavres sont pas en décomposition. Donc ils sont pas non plus là depuis 2 mois. Oui, mais ils peuvent être là depuis une semaine et voilà. Mais en effet, oui, tu sais pas s'ils sont morts il y a une heure, s'ils sont morts il y a 5 minutes, s'ils sont morts... Bon, 5 minutes, vous auriez sans doute un coup de feu, mais... Autant... Enfin, de toute façon, on va y aller. Mais si jamais on a un face-à-face, faut être conscient du coup du danger qu'ils peuvent représenter. Et selon l'état de la ruine, il faudra voir si je peux utiliser mon vocodeur pour les déstabiliser en combat ou s'il faudra faire ça. Ok. Bah moi, je prends mon dilacérateur à deux mains, bien comme il faut. Voilà. Très bien. Ouais, je me prépare au combat aussi. Très bien. Vous vous rapprochez donc. Pour commencer... Vous observez que le sang ruisselle encore dans la poussière. Les morts semblent être récentes. Vous voyez que l'un des juges a eu le crâne complètement explosé, sans doute un tir de fusil canoncier, quelque chose comme ça. Un autre semble montrer plusieurs blessures. Soit il a été tailladé, soit il s'est pris plusieurs balles. Refaites-moi un autre jet de perception, s'il vous plaît. Plus un jet aussi de agilité, discrétion, donc stealth. J'essaie de voir si vous arrivez à détecter quoi que ce soit et si vous êtes détecté. Sachant que la discrétion est elle avec une difficulté de 2, puisque les personnes ne sont pas actives. C'est pas un échec critique. J'ai pas dit que ça allait quand même bien se passer. Décidément, Flux. 3 réussites, 2 déclencheurs, 3 réussites, 2 déclencheurs. Mokosh, est-ce que t'as mis ton dernier? J'ai pas vu. Ah oui, j'ai pas vu. J'ai mis les de la Suisse. En effet. Du coup, vous approchez et vous entendez des bruits, des gémissements, de douleur. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, à un moment, Torik, tu trébuches légèrement et tu tombes en avant et tu te rattrapes au niveau du sol. Rien de bien méchant, mais ça fait quand même un léger son. Et à ce moment-là, t'entends que les gémissements s'arrêtent quelques instants, comme si la personne prêtait l'oreille en entendant justement quelque chose. Vous continuez de vous rapprocher, et puis au niveau de les ruines de ce qui semble être une espèce de vieille maison, un vieux pavillon qui devait se trouver là, vous entendez 2 voix portées. T'as entendu ? Quoi ? Non, rien, c'est bon. Comment on va faire, putain? Je sais pas. Il faut qu'on y aille, tu penses que tu vas pouvoir bouger? Et l'autre qui répond, ça va pas être possible. Il va falloir que tu me portes sur le dos et qu'on laisse les gamins ici. C'est pas la peine. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que les voix semblent se trouver à... quelques mètres de vous, mais un mur semble vous séparer également. Donc a priori de ce qu'on fenêtre, vous pouvez tenter éventuellement si vous voulez d'y jeter un coup d'œil. Du coup de ce qu'on j'aimerais bien jeter un coup d'œil. Du coup, de ce qu'on entend, ils auraient aussi subi des dégâts de leur côté. Et que donc il y en a un qui serait quasiment hors d'état de combat, quoi. En effet, vu l'état tremblotant de l'une des voix, tu penses que l'un d'entre eux doit être dans un sale état. Ok. D'ailleurs, tu entends qu'une seule autre voix, ce qui laisse supposer pour l'instant qu'ils sont que deux. C'est pour ça que je jetais un coup d'œil pour voir leur position et combien ils sont exactement. Tu jettes un petit coup d'œil. Tu vois que pas grand-chose, en fait. La vitre est couverte de poussière, de traces. Mais tu peux distinguer vaguement deux silhouettes de l'autre côté. Tu vois qu'en effet, l'une d'entre elles semble être allongée contre un mur. Tu saurais pas dire si tu n'arrives pas à distinguer leurs traits, leur équipement ou autre, mais tu vois vite fait deux silhouettes. Et l'une d'entre elles semble faire des tours en rond en train de marcher. L'entrée pour accéder à là où ils sont, se trouve à quelques mètres de toi, en fait. La fenêtre est au niveau du même mur que l'entrée, mais qui se trouve à d'autres mètres. D'ailleurs, il n'y a pas de porte. Ok. Du coup, je regarde mes amis. Vous me couvrez. Dis-je en chuchotant, mais je peux pas dans ce logiciel. Ça dépend ce que tu veux faire. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rentrer, parler, et après vous rentrez et vous tapez. Alors le problème, c'est que il faut que tu fasses attention, puisque un des juges a pris une balle en pleine tête. Donc, te couvrir, si ouais. C'est au contact direct, ça va être compliqué. Parce qu'une balle, je pourrais pas l'arrêter, moi. Je vous fais confiance. Et du coup, je me dirige vers la salle. Tu fais quelques pas. Et d'un seul coup, tu vois celui qui tourne en rond, qui se retourne et qui fait « Qui toi ?» En pointant une espèce de, d'arme, enfin tu vois, une espèce de, je pense, de fusil à canoncier qui l'ouvre et qui essaie de recharger rapidement. Où est le gamin? Fais-moi un G. Après, ça fait normalement des bonus sur les dés. T'as le droit à un bonus de 1 dé. Non, mais même plus, dit. Plus, attends. Je me suis éclairé en disant ça d'ailleurs. Ça veut dire que je. Ouais, ok. Enfin, je sais pas si j'ai eu le temps de m'éclairer. Tu vas me faire un jet de psyché domination avec un bonus ouais. De 1, 2, 2 dés. Puisque tu as le bonus de ta combinaison de chroniqueur, en effet, on l'avait oublié tout à l'heure, bon, tu avais quand même réussi. Et là, tu as également le bonus du chargement. T'améliore ton influence. Exactement. Moi, je vais faire leur jet de défense, du coup, puisque là, on n'est pas face à un résultat, mais face bien à un être humain, qui a donc des stats en poids et en focus. J'ai déjà oublié. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 réussites, dont 4 déclencheurs. Je me sens pas trop mal sur cette dé. Ouais, je pense quand même qu'il y en a un qui a beaucoup. On est à 8 dés en défense. Voilà, putain, il y a moyen. Je fais 4 réussites. Il y a 50% de chance. Un déclencheur. Ah, j'ai déclencheur. Yes, déclencheur, je gagne. J'ai 4 réussites, un déclencheur, donc en effet, tu vas gagner l'opposition. Et le deuxième, lui, il est blessé, donc il n'a que 4 dés. Puisqu'il n'est pas du tout dans le meilleur état, et il fait que 3 réussites. Donc en effet, ça va assez logique. Tu vois, à cet instant, donc ta voix commence à porter. Tu vois même la poussière et 2-3 débris qui étaient posés au sol qui s'envolent légèrement, puisque j'imagine que tu as monté le son relativement élevé avec ton vocodeur pour que ça résonne bien dans la pièce. Tu vois automatiquement l'un des deux, celui qui avait le fusil à canoncier, commence à lâcher et à partir en courant dans la pièce d'à côté. Et reste dans l'encadreur de la porte, tu sais, mais. Et commence à dire casse-toi de là! Et l'autre, il peut pas bouger, tu vois, tu remarques du coup que l'autre qui est accoudé contre le mur, en fait, du coup, il est assis, et il a une jambe complètement défoncée, et il a l'air d'avoir pris une ou deux balles au niveau du corps. Alors, du coup, je m'avance. Normalement, mes amis sont censés rentrer à ce moment-là. Hein. S'ils rentrent pas, je note que ce sont des traîtres. Putain. J'avance, et je ramasse le shotgun, et je répète... Où est le gamin ? Et t'entends ce moment-là l'autre qui est dans l'autre pièce, qui commence à courir, qui fait « Il est avec moi, le gamin !»« Si jamais t'avances, je le bute !» Tandis que Mokosh et Torik commencent à rentrer dans la pièce. Mokosh, toi, du coup, et Torik, vous apercevez le premier qui est assis par terre, qui est complètement tremblotant, il peut pas bouger, il est juste obligé de rester là, immobile. Il a juste une espèce de petit couteau à beurre dans la main. Et l'autre qui fait « Bouge pas ou je le bute !» D'ailleurs, tu as remarqué, et notamment toi, Flux, quelques gouttes de sang également au niveau du sol. Tu penses que tu l'as pas vu, mais qu'il est blessé également. J'ai le diracérateur, en fait, qui est pointe en avant vers le gars qui est quasiment à l'agonie, là. Tu vois, il lâche son couteau et il lève les mains. Et il fait « Me tuez pas, putain !»« Je me rends !» Et l'autre qui lui répond « Ta gueule !» Bougez pas, et tu vois d'ailleurs Flux qui jette quelques petits coups d'œil au niveau de l'encadrement de la porte pour voir si t'avances. Est-ce que tu avances d'ailleurs? Non, je lui ai répondu, on fait l'inverse. Donne-moi ou je te bute. Et au moment où je dis ça, je du coup relève le shotgun. Ok, tu le ramasses. Tu vois que le truc est pas chargé, que les douilles sont par terre, tu les ramasses. Enfin, les douilles, les balles. Ah oui, c'est ça, je l'avais dit au tout début, je ramasse. Quand okay, je rentrais, je ramassais les. Donc en effet, tu le récupères et tu le recharges. Bon, je reste à l'entrée, mais à l'entrée de la ruine, okay. Pour empêcher quiconque de partir en courant, je sais pas. Je glisse c'est même bien. Un message. Écoutez, on peut négocier. Je glisse discrètement à Mokosh, on sait pas où il est le troisième, fais attention. Ouais, j'acquiesce. Ça vous dit, on discute? Donne le gosse et tu repars d'ici en vie. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez sortir de la pièce et je vous donne le gamin. Il est là et il va bien. Et à ce moment-là, vous entendez une espèce de bruit et vous entendez dis-leur que tu vas bien. Et toi, de ton côté, Flux, tu reconnais la voix de casse-gueule qui fait « Je suis là !» Moi, je recule à l'entrée de la pièce. Il va bien, tu vois. Écoute, vous pouvez prendre Kofi avec vous si vous voulez. D'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez l'autre qui est à terre, qui retourne la tête en mode « Mais enfoiré, prenez-le !» Sa tête est mise à prix. Vous sortez avec le gamin. Avec Kofi. Je veux vous pouvoir voir par la fenêtre. À ce moment-là, je partirai de l'autre côté et je vous laisserai le gamin. Et la fille. Ils sont deux. Ouais, ils étaient deux. Ça vous va? Et vous voyez l'autre qui vous dit « Non mais, me prenez pas, sa tête aussi, elle est mise à prix. Il vaut 75, je vaux 50. » S'il vous plaît, vous hospitalier, sauvez-moi, je vais me vider de mon sang. Tu vois, en effet, sa jambe, elle est vraiment dans un sale état. Putain, il aura fallu que ces juges passent par là. Il est où le troisième? Qui ça, le troisième? Vous n'étiez pas trois? Croco? Il est parti avant nous, il doit être déjà à Ferropol alors qu'il est. Il nous a laissé le sale boulot. Fais-moi un jet de psyché. Empathie, s'il te plaît. Toric. Moi, comme je le disais, je recule uniquement jusqu'à la porte. Je vais pas derrière, comme il a demandé à la fenêtre, je reste juste à la porte. Et je, comme je le disais tout à l'heure, bah, okay. Il me balance le gosse immédiatement, quoi. Je saurais pas dire s'il ment ou pas de ton côté, Toric. Si Croco est vraiment parti ou si. Ok. De toute façon, j'ai prévenu. Je veux vous sortir. Je veux que vous alliez au niveau du chariot. Tu veux pas non plus que je te paye? Et quand je dis ça, je suis en train de recharger le le shotgun du coup. Ok. Vous êtes sérieux pour les lettres? Oh merde. Balance le gosse immédiatement et t'as une chance de sortir en vie. Je vous fais pas confiance, juste avec dès que j'aurai mis un pied dans la pièce, vous allez m'arroser. t'insiste pour qu'on le fasse. Oh merde. Balance le gosse, c'est ta meilleure chance de survie. Ok. Ok, je vais le libérer. Passez-moi le couteau. Vas-y. Il faut que je puisse lui détacher ses liens. On le détachera, nous. Ok. À ce moment-là, vous l'entendez bouger un peu, comme si peut-être il aidait à se relever. Vous entendez la voix de casse-gueule qui fait « Eh, touche pas, toi !» Et puis qui commence à apparaître au niveau de la pièce. Instantanément, à ce moment-là, vous entendez le bruit d'une vitre brisée. Et toi, Mokosh, qui était resté un petit peu à l'extérieur, tu vois la fenêtre d'à côté qui est complètement pétée, le mec en train de courir dans la pampa. Si tu veux le tuer, je t'en voudrais pas. Bah, je vais lui courir après. Ok, fais-moi un jeu d'athlétisme. Body athlétisme. Oh putain. Je me sens. Je vois tellement l'image de Mokosh qui se met à courir l'épée brandie. Ouais. Trois réussites, dont un déclencheur. Ok, attends, j'ai pas encore fait son jet. Reviens, bon, Léon. Je veux ta tête à la maison. Amener la tête à la... Non. Désolé. J'ai 5 dés. Et j'ai fait 4 réussites. Tu commences à courir après, mais tu vois qu'il est plus rapide que toi. En effet, il a quand même moins de matériel. Ton espadon t'encombre un petit peu. Okay. Bah, je vais lâcher mon espadon. Tu lâches l'espadon. Et refais-moi un G et t'as un bonus de 1 dé. Je garde la poignée avec moi. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, décidément. aïe. Celui-là est moins beau. J'ai fait que 2 réussites sur le deuxième G. C'est de nouveau athlétisme, c'est ça? Ouais, et avec force. Enfin, athlétisme. Oui, athlétisme, parce que je dis. Oula. Body athlétisme. Avec un bonus de 1D. Vu que t'as lâché l'espadon, t'es plus léger. Ok. Alors, en comptant le bonus, ça me fait 3 réussites tout court. Ok, j'ai fait que 2 réussites cette fois. Tu commences à arriver à son niveau et tu sens que si tu veux, tu peux tenter d'essayer de le plaquer au sol. Je sais pas ce que t'as prévu de faire. Là, vous êtes en train de courir, là, vous êtes de nouveau au niveau de la route, à peu près. Ok. Bah, je vais lui sauter dessus pour le plaquer. Ok, fais-moi un jet de body. Je crois que c'est brawl pour lutte. Ouais, c'est ça. Deux réussites. Combien j'ai fait? Une réussite. Deux réussites. Ok. Au bout d'un moment, tu commences à prendre ton élan, tu te jettes sur lui et tu le plaques au sol. Tu vois, il s'éclate complètement au niveau du fossé. Ok. Et tu vois, il commence à gâcher, à gueuler. Lâchez-moi, vous avez dit que vous me laissiez partir. Toi, pendant ce temps-là, Flux, tu récupères Casse-Gueule. Et tu vois qu'il jette un coup d'œil à l'autre complètement à terre. Et qui, bon, il dit quand même attends, viens, il y en a une autre. Et puis, il te dérange au niveau de la salle à l'arrière. Toi, Toric, tu restes seul avec le premier gars. Et tu vois qu'il dit s'il vous plaît, ma jambe. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kofi. Kofi? Oui. Vous aviez rendez-vous où à... On devait retourner jusqu'à Ferropol, mais on est tombé sur des juges. Et juste par principe, il y en a un d'entre eux, il voulait regarder ce qu'il y avait dans la cargaison, mais... Putain, on a réussi à passer tout justicienne, et quand ils ont vu les... Tout ça a dégénéré... Je regarde les flux. Moi je suis dans l'air sale. Ah bah écoute, je gueule à les flux alors. Les flux. Je oui. Gueule. Qu'est-ce qu'on en fait du jeune? Tu vois, jeune, il a 30-40 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Tu penses que Mokosh en haut a chopé l'autre? Oh, vu ce que j'ai entendu dehors, il y a des chances, oui. Le petit... Boum. Tu veux la laisser à Mokosh? Tu veux le laisser à Mokosh? Bon, bah écoute... D'ailleurs, ton côté, en effet, Mokosh, tu vois, t'as plaqué l'eau, tu vois, il est complètement immobilisé, il peut plus bouger. Tu vois qu'il a mal à certains endroits, qu'il y a un peu de sang, donc t'appuies bien pour qu'il lâche complètement en prise. Bon, bah, il a la tête dans la poussière, hein. Bon, je suis... Je garde au chaud. On laissera Mokosh décider. Ouais. Lâchez-moi, prenez Kofi. J'ai bouge pas, petit. On va s'occuper de toi. Je peux pas aller bien loin, enfoiré. Bah justement. Tu vois, il crache par terre. Non, il crache du sang. Prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de d'embarquer dans des histoires comme ça. Putain, mais tout ça, c'est la faute à Croco. C'est lui qui nous a embarqué là-dedans. Et là, je lui dis, s'il y a une prochaine fois. S'il vous plaît, tu vas y commencer à te supplier. Non, et, je me retourne, je vais voir Flux. Ok. Pendant ce temps-là, Flux, du coup, vous arrivez au niveau de l'autre salle. Bon, en effet, ça fait partie de la ruine. Et en effet, vous voyez une nana qui, bah, tout comme Skazgull, semble avoir été kidnappée. Tu la détaches, tu la débaillonnes. Tu vois que c'est une... Elle a clairement un look de Jay Methan. Et pour le coup, elle a l'air d'avoir à peu près la même tranche d'âge que Skazgull. Mais tout comme lui, en effet, c'est vrai que j'ai pas décrit Skazgull aux autres. Excusez-moi, je vais le faire tout de suite. Skazgull, du coup, c'est un clanis, donc un petit gars des rues de justicienne qui désormais est donc à la vingtaine, quasiment. Et qui est relativement fort. Je veux dire, il a des épaules assez larges, il est assez grand. Justement, bon, ça a l'air d'être une histoire de trafic d'esclaves. Il fait clairement, ça ferait un très bon esclave. Il a l'air d'être en très bonne santé, il est très jeune, il est très fort. Et bah elle, c'est un peu pareil. C'est l'air d'être une jamétane, mais elle est aussi, même si elle est relativement jeune, elle est plutôt forte. C'est un peu une mocoche tiers, on va dire. Elle est blessée ? Non, elle est pas blessée. Pareil, en effet, Skazgull, vous voyez qu'il a un peu de sang séché au niveau du nez, mais ça a l'air d'être rien de grave. Et elle va bien, genre... En effet, elle voit bien, tu vois qu'elle est un peu toute tremblante, elle fait... Je vous remercie, c'est quoi ces types ? Des personnes avec très peu de scrupules. Vous avez de la famille, quelque chose comme ça ? Plus vraiment, non. Enfin, justicienne, mais c'est compliqué, disons que... Je voulais quitter la ville et puis un soir, je suis tombé sur des types, ils m'ont barré la route dans une ruelle et puis ils m'ont capturé, ils m'ont mis un sac sur la tête et la suite, bah voilà quoi. Ouais, je vois. Écoute, si tu veux, dans un premier temps, je peux t'héberger à la justicienne. Le temps que tu te remettes, ou alors je peux t'aider. En effet, j'avoue, j'avais pas prévu de rester dans la région, mais... Tu peux rester de manière temporaire. Voilà, je n'ai pas mangé, j'ai pas de quoi me défendre, je vais pas repartir sur la route immédiatement, j'apprécie, merci. Et je tenais à dire aussi, j'ai entendu la discussion, et... Je confirme, Croco, le gars dont il parle, il est vraiment parti, celui avec la cicatrice, là. Okay. Il a pas fait le trajet avec eux, il est reparti de son côté. Bien en avance. Il doit les attendre à l'heure qu'il est. Foiré. Ouais, espérons. D'ailleurs, Mokosh, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu fais avec le type ? Pour l'instant, je le tiens au sol tant qu'il fait rien. S'il essaye de se débattre, je vais lui foutre des coups de poignet. Au début, il débattait un peu et au bout d'un moment, il a stoppé. Très bien. Bon, bah, du coup, tu t'appuies juste de tout ton corps sur son dos. Quelle est la suite que vous allez faire ? Tous les ennemis sont neutralisés. Quelle est la suite ? Bah, à savoir, déjà, qu'est-ce que... Mokosh, tu ramènes le gars avec nous dans la maison ? Ah oui, il faut qu'on s'occupe de... Oui, t'as... Ouais, on va mettre déjà les deux ensemble. On va laisser Mokosh décider de ce qu'on en fait de ces petits cons. Ouais. En gros, c'est ça, Mokosh, t'en fais ce que tu veux. Faut quand même qu'on en parle, parce que bon. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément d'empathie pour eux avec ce qu'ils font. Même si normalement j'ai tendance à me placer du côté du pauvre et de l'orphelin. Je trouve que des fois ça tourne. D'ailleurs, quand vous les ramenez, vous voyez que les deux sont en train d'énumérer toutes les saloperies qu'a pu faire l'autre dans le but que. Ils se vendent mutuellement. Dans l'espoir un peu utopique que vous en preniez qu'un seul sur les deux pour récupérer la récompense et que vous relâchiez le second. Du coup, ça va des... soignez ma jambe et laissez-moi partir. Lui, il frappait ses enfants. Mais j'ai jamais eu d'enfant. Et puis, ce salaud, il a volé des mendiants un jour. Dis donc, Mokosh. En vrai, c'est l'air d'être des belles enflures, hein, pour le coup. Dis donc, Mokosh, j'ai une question à te poser. À ton avis, ça doit valoir combien deux gars qui ont tué trois juges en rançon, quoi, en lettre de change? Je pense que rien que leur tête, c'est pas mal. J'ai cru entendre à un moment qu'il y en a un qui coûtait 100 et l'autre 75, c'est ça? Ouais, maintenant, mais avec 3 juges de mort. Ah oui, avec 3 plus de plus, je pense que tu peux monter de 100. J'ai jamais prouvé que c'est nous qui avons tué les juges. Parce que tu crois qu'ils vont, ils vont vous faire confiance plutôt qu'un un hospitalier? Et un chroniqueur? Tu vois qu'il y a l'autre en effet qui dit à son guide potes, on est clairement. Si vous allez voir des juges, les juges vous croiront. Plus de témoins qui vont prouver qu'ils ont été kidnappés par vous-même. Un hospitalier, un chroniqueur avec vous, Nana da Baptiste aussi, mais c'est quand même plutôt réputé. Face à deux crapules du cartel. Parce que ça peut faire quelques lettres de change, tout ça, Mokosh. Ça nous fera un petit peu d'argent quand même. Écoutez, si jamais vous vous débarrassez de nous, Croco va vouloir se venger. Il va vous retrouver, il saura que c'est vous. Ah bah ça tombe bien, j'aimerais beaucoup lui parler. Il dit n'importe quoi, Croco, il en a rien à foutre de nous, laissez-moi en vie, je vous dirai où il se cache. Ah, il y a information intéressante. Si c'est juste sa maison, on l'a trouvé, hein. On sait où il habite, où il cache ses chariots, ou ce genre de choses. Hein. Ouais, Mokosh, qu'est-ce que t'en penses alors? Il va forcément vouloir savoir ce qui s'est passé, il va pas nous voir arriver, vous comprenez? Bah, il ira en chercher d'autres, c'est tout. Moi, je pense qu'on peut effectivement les ramener au juge, etc., sur un peu d'argent. Et je pense aussi que si jamais, la lame de Mokosh tombait sans faire exprès, un peu sur eux, mais pas trop, c'était leur combat contre les juges. Enfin, nous, on n'y pouvait rien, on est pacifistes. C'est tout. Vous voyez l'un d'entre eux, en effet, celui qui a une jambe complètement mochée, qui est tout blanc, genre sur le point de s'évanouir, qui fait juste, s'il vous plaît, amputez-moi, faites ce que vous voulez, mais arrête. Amputé ? Coupez-moi la jambe, je veux plus. Pourquoi t'es un pas, ça ? Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'amputation. Moi, j'en suis Mokosh, personne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'amputation. Mokosh, en effet, tend sa jambe complètement atrophiée. J'ai cautérisé ça juste après, mais je fais mal. Je suis en train de me vider de mon sang, en effet. Mokosh, sera le dernier mot. Est-ce que tu veux faire un peu de lettres de change ou tu veux en rajouter deux à ton tableau de chasse? À ce moment-là, les deux relèvent la tête. C'est le tableau de chasse. Question OMJ, ils ont quel âge en vrai les prisonniers? Les deux prisonniers ont tous les 19 et 21 ans. Casse-gueule a 19 ans et Daphné a 21 ans. Ok. Et eux, ils ont l'air d'avoir la trentaine, quarantaine. Bon, c'est des ferrailleurs peu scrupuleux, donc tu sais, ils ont le visage assez marqué, quoi. Bon, je lui coupe la jambe qu'il faut couper de toute manière, celui qui veut survivre. Ouais, il tombe dans les pommes à ce moment-là, tu donnes un coup sec, il s'écroule par terre. Et Toric, j'imagine que tu prends en charge le reste de la blessure, parce que sinon là il va. Ça dépend s'il veut les tuer ou pas, quoi. Sinon, je vais pas m'emmerder à. Sinon, je laisse vider de son sang. Bah oui, si c'est pour le sauver, pour le tuer juste après, ça sert à rien. On les garde en vie. Ok, bon bah je le soigne. Ouais. Mais pendant que lui s'occupe de l'os, moi avec mon appareil de tatouage. Ouais. Je vais mettre enleveur d'enfants sur le front de l'autre. Sur celui qui est évanoui ou pas? Non, l'autre, celui-là qui a pas la jambe coupée. À vif. Et tu vois, alors au début, il comprend pas trop ce que tu fais, tu commences à t'asseoir à son niveau, il fait mais. Et puis ensuite, tu commences à lui implanter le truc et. Ça lui fait la sensation comme d'un scalpel, il fait mais arrêtez! Lâchez-la! Retenez-la! Mais qu'est-ce que vous êtes complètement malade! Et puis au bout d'un moment, il commence à comprendre ce que t'es en train de faire et en effet, du coup, tu tues son aiguille et tu lui tatoues un joli kidnappeur d'enfant sur le front. Moi, quand même, pour la santé mentale de cet enfant de 19 ans que je gère, Je l'ai fait aller dehors pour discuter un peu avec eux, parler de la suite. La Jamethan aussi, elle détourne un peu la tête. Oui, non, mais évidemment, mais voilà, je les emmène dehors. Je les emmène dehors et moi je vais discuter avec eux de la suite. C'est une sorte de Mokosh Jamethan, mais elle s'en va, hein. Bah, elle est jeune encore. Et physiquement, à part la carrure, après, logiquement. Et moi, quand j'ai fini, je sors avec plein de sang sur les mains. Ah, putain, il nous rejoint. Au moment où tu sors, tu la vois qui t'annonce. Alors, c'est ça que vous faites à vos prisonniers, hein. Bah, non, accessoirement, je viens de lui sauver la vie. Non, elle s'adresse à Mokosh qui s'amuse à faire preuve de sadisme. Elle a l'air d'être un peu, idéaliste. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, t'as l'impression qu'elle te reproche plus ou moins quand même de t'acharner sur le pauvre type. Laisser la justice au juge. Ça va, il s'en est bien sorti, c'est pas un Jamethan. En gros, ferme ta gueule. S'il te plaît, Mokosh. Excuse-moi pour ce propos. De toute façon, je pense que tu es au courant des relations entre ton clan et le sien. Pour moi, la guerre, c'est du passé, mais je vois que c'est pas le cas de tout le monde. Pas pour tous. Bon, allons chercher ces lettres de sens. En effet, là-dessus, vous récupérez les corps, vous les chargez dans le chariot. D'ailleurs, le cheval qui devait être accroché s'est barré. Et pour partir en direction de justice. Je vais vous passer le chemin du retour. Une fois arrivé en ville, vous livrez les deux gaillards. T'as fait combien ton jet de médecine, Toric? Ah merde, je l'avais même pas fait. Oh, bah tu l'as fait le. Si, bah je vais le coup, il avait perdu beaucoup de son sang, donc je vais te dire une difficulté de 4. Parce que il est quand même dans un sale état. Pour voir s'il arrive à le maintenir en vie. Bah je veux dire que je suis très mauvais aujourd'hui. Ah. Ouais, j'ai que 2 succès. Ok. Malheureusement, l'un des deux hommes, ou malheureusement entre guillemets, n'aura pas survécu au voyage. Il avait perdu trop de sang. Tandis que l'autre, vous allez le livrer au juge. En effet, les hommes valaient pas si cher que ça, mais une fois que vous leur avez annoncé où se trouvent les 3 juges, la patrouille de 3 qui devait arriver en ville il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, vous avez annoncé leur triste sort. On vous récompense en vous donnant quelques lettres de change. Je vais vous laisser vous partager. Alors, même mort, il doit valoir quelque chose, ce gars-là. Oui, même mort, en effet, il vaut quelque chose. Après, vous êtes payé plus symboliquement qu'autre chose, vu qu'on considère que c'est les juges qui sont sur place qui les ont plus ou moins tués. Vous avez juste livré le dernier. Qui, d'ailleurs, est placé sur un bio, sur la place centrale. Vous pouvez assister à ce moment-là à la foule qui commence à se mettre en cercle autour de lui. Certains qui l'insultent, d'autres qui baissent la tête. L'un des juges lui pose la tête sur le bio, puis empoigne son énorme marteau, et d'un seul coup violent, lui écrase complètement le crâne, laissant s'abattre la loi des juges. En effet, un triple meurtre, pour le coup, il n'aura pas le choix de faire le choix. D'ailleurs, sur le côté, vous voyez des condamnés aux travaux forcés, qui, eux, étaient en train de balayer les rues et réparer vite fait 2-3 structures, qui... détourne un peu le regard en voyant ça. Vous savez que pour être condamné aux travaux forcés dans la justicienne, il faut pas avoir fait grand chose de mal. Ce sont généralement des voleurs sans plus. Mais ça laisse quand même s'abattre la pesante loi des juges. Évidemment, les autres vous remercient lorsque vous retournez du côté donc de chez Flux. Vous voyez les deux frères se prendre l'un l'autre dans les bras, heureux de s'être retrouvés. Et puis Casse-Gueule, en effet, qui se retourne vers toi, Flux, et qui fait... Je suis d'accord, moi aussi j'aimerais bien lui causer à l'occasion à ce croco. Je comprends, on ira tous les deux. Il a un œil en moins et le deuxième doit être au burn-out alors qu'il est avec le coup que je lui ai mis. Crois-moi qu'ils m'ont pas eu aussi facilement. Je rappelle que le matin, il va souvent voir la petite dame pour manger. On sait où le trouver. Ouais. Si ce n'est pas tout de suite, on le trouvera. On va les guetter. On va les guetter. Cette fois-ci, on verra qu'est-ce qui finit avec un sac sur la tête. J'en profite pour rembourser soit Noah, soit Maria. Je sais pas qui a reçu le message. Mais je profite pour le rembourser. Les deux lettres de change. C'est gentil. Du messager. Ouais. En effet, on est plutôt rassurés. Qu'est-ce que vous faites du coup maintenant une fois que... Est-ce qu'il y a 2-3 actions que vous aimeriez faire Comme vous voyez là, le temps est un petit peu plus espacé. On fait quelques petits bonds. Oui. Je voudrais prendre une douche sainte pour m'enlever tout ça. Tu sais que l'hôpital, si tu voulais y aller un peu le plus loin, mais tu peux facilement trouver. En fait, au niveau des bains, je sais pas si tu as sur les cartes, tu as des bains à Justicienne. Et en échange de quelques lettres de change, tu peux récupérer, en tout cas te laver dans un bon état. C'est ce que je vais faire. J'imagine que tu vas prendre les bains où personne d'autre s'est lavé avant. Exactement. Ça va donc te valoir... Voilà, pour 5 lettres de change, t'arrives à avoir un truc assez, assez correct. Parfait, c'est fait. Ça vaut évidemment pas l'hôpital, mais voilà. Mais c'est mieux que rien. Côté, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien faire ? Non, j'ai rien de particulier à faire après ça. Ouais. De ton côté, Flux, en discutant un petit peu avec Daphné sur le retour, t'as appris qu'en effet, il s'agissait d'une gemme éthane. Plus précisément... une Izaki qui a quitté sa famille parce que elle ne souhaitait pas enfin on va dire que là-bas notamment pour les personnes de la gente féminine ta vie est assez prédestinée dès le début et qu'elle préférait vivre l'aventure même si les récents événements l'ont un petit peu déconcerté elle souhaite repartir quand même de son côté d'ici quelques jours et qu'elle apprécie malgré tout votre effort. Et que si elle avait pu, elle vous aurait donné les bonnes grâces de sa famille, mais que malheureusement, elle n'est plus en bon terme avec. Je comprends vraiment. Et moi, je profite quand même du temps pour justement la prendre en charge, les derniers petits soins à faire, les trucs comme ça, la nourrir. Et tout simplement, bah, quand elle voudra partir, elle partira. Tu vois qu'elle apprécie et qu'elle te dit que jamais te le rendra. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez cocasse parce que si elle se doutait de ce qui se trouvait à l'arrière de ta boutique... Ces paroles sont toutes très différentes. Et en parlant de ça... Soudain, il s'enclenche. Pardon ? Soudain, le disque s'enclenche. Non, en effet, du coup, Thoric... Thoric, Flux... Tes compagnons, notamment Marie, viennent te voir. Marie et Noah. Et elle te fait... Bon, on a essayé de décrypter, de suivre les instructions que tu nous avais données avant de partir. En effet, c'est assez compliqué. Le disque semble être à mi-chemin entre un réceptacle et... On n'arrive pas trop à comprendre toute la technologie qu'il y a derrière. Mais on a réussi à en tirer 2-3 choses de ses entrailles, mais... Rien de concluant. On aimerait voir si... Vous pouvez pas y jeter un... coup d'œil supplémentaire. Si, bien entendu. Très bien. Dans ce cas-là, je vais te demander un jet d'intelligence et connaissance des artefacts avec une difficulté de 5. C'est raté. En effet, tu observes à nouveau le trésor de GMA. On va profiter pour vous le montrer une nouvelle fois. Donc, qui contient d'ailleurs le logo du culte et qui est sans doute l'un de leurs artefacts les plus précieux qui se trouvait justement à Lucatoré lorsque vous avez pillé le pilleur de la ville. Non, même, c'est encore mieux que ça. Vous avez récupéré le disque à celui qui l'avait pris à ceux qui avaient pillé les Anabaptistes qui eux-mêmes avaient volé le disque au Jamethan. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de monde le cherche et que c'est difficile de le remonter jusqu'à toi. Si c'est pas dire quasi impossible, il y a à peu près une seule personne au monde qui sait en dehors de vous que vous le possédez, et cette personne ne sait même pas qui tu es. Évidemment, tu ne lui as pas dit ton nom ni ton adresse avant de le récupérer. Alors j'habite. Si tant est qu'elle-même souhaite savoir qui tu es. Puisqu'elle l'avait changé contre votre silence. Mais dans tous les cas, tu peux quand même constater que... en effet, le disque semble être un genre de récepteur. Et qu'à l'intérieur se trouve une espèce d'électronique ultra sensible qui est en fait justement cachée sous la couche d'or que vous avez aperçue. et qu'il semble y avoir une espèce d'étrange code gravé sur les rebords du disque. Malheureusement, tu n'en sauras pas plus pour le moment, et tu pourras réessayer lors de la prochaine session. Ok. Un peu plus tard dans la soirée, alors que vous vous baladez, alors vous vaquez à vos occupations justiciennes, toi, Thoric, j'imagine, tu penses sincèrement, au bout d'un moment, peut-être à retourner à l'hôpital, notamment pour voir comment se trouve Jaka. Qui pourra pas exactement, et après, pour faire un vrai nettoyage complet, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas fait, et aussi, justement, pour essayer de voir de mon côté, et avec ce que je connais, pour nos amis qu'on a rencontrés. Dans tous les cas, l'hôpital se trouve à une certaine distance, donc tu pourras pas t'y rendre tout de suite. Oui, voilà. Mais c'est ce que je ferais, du moins. Ouais. De ton côté, Mokosh, tu vois que les groupes en fait de ferrailleurs, même s'ils sont loin d'être tous ferrailleurs Flux, se sont un peu occupés d'habits. Ils l'ont légèrement rafistolé et remis également en état autant que possible. Et tu vois qu'ils te donnent quelques petits conseils et puis qu'ils te demandent si jamais tu préfères la vitesse, à l'accélération, à la puissance du moteur, en vue de futures améliorations potentielles. Est-ce que tu leur fais part de ta volonté de pouvoir rattacher la moto à des sièges supplémentaires? J'ai oublié le nom exact. Des sidecars. Exactement, des sidecars. Ouais, je pense que je leur en parle. Ok. Tu veux qu'ils disent, notamment Maria, qui est la plus ferrailleur du groupe. Alors, t'as du mal à comprendre ce qu'elle dit, puis elle a un fort accent hébrispagnol. Mais tu comprends qu'en effet... Elle t'annonce que il faudra simplement trouver de quoi raccrocher sur le côté, notamment avec des grandes roues, que ça risque de pas être extrêmement pratique sur pas mal de points, mais que pourquoi pas. Et à ce moment-là, Mokosh, quelqu'un rentre, en tout cas toque à la porte du bâtiment et demande à te voir. Il s'agit d'un petit gars, tu l'as jamais vu et il est porteur d'un message. D'un quoi? D'un petit? D'un petit gars. Ok. Oui, je cherche Mokosh. Anabaptiste, orgastique. C'est moi. Ça a l'air. Un type est venu me voir et m'a dit qu'il avait entendu dire que Mokosh était de retour en ville. Et qu'il souhaitait vous parler. Il paraît que vous avez ramené des types qui avaient accusé d'avoir fait je sais pas quoi et que l'un d'entre eux a été exécuté. Cet après-midi même, sur la place de la ville. C'est bien vous? Oui, c'est moi. C'est qui l'envoyeur du message? Je sais pas, je connais pas, il m'a pas dit son nom. Si j'ai pas de nom, je paye pas. Il m'a dit son nom, mais je vais pas vous le dire. T'as une description alors? Est-ce qu'il t'a dit de pas le décrire? Il a pas parlé de ça. Il n'en a pas parlé. Il était grand, chauve, en tenue d'hospitalier. D'accord. Si jamais il vous a donné rendez-vous ce soir même. Au justicien. Ok. Merci pour le message. J'ai pas d'argent. Je me tourne vers les autres qui sont... Quelqu'un a de l'argent. T'as vraiment pas d'argent? Ah oui, ouais, non, il s'est tout donné. Je t'avais donné à la gamine. Si vous avez récupéré... On n'a pas fait le partage de l'argent encore. On n'a pas encore fait... un hospitalier, vous dites? Oui. C'est compliqué de décrire un hospitalier particulier, vous sans... Non, mais je me doute bien. Vous ressemblez un peu tous. Oui, je sais. Mais il avait l'air d'être âgé. Je crois que j'ai vraiment pas le droit de le décrire. Je crois que j'en ai déjà trop dit. Il vous a pas interdit de le décrire. Et puis en même temps, je suis hospitalier. Donc vous n'avez rien à craindre. J'imagine, mais il avait une présence assez étrange, vous voyez. Enfin, ouais, on sait que l'hospitalier c'est, je pense. Mais bref, quelqu'un a un peu... Bon, je prends de l'argent de notre somme, je sais pas combien. Ouais, bon, tu lui donnes 2-3 lettres de change. Normalement, ça va pas plus. Hein. Il fait qu'il te remercie, qu'il te fait... Eh bien, au revoir. Ils sont... Au revoir. Je vais me retourner vers mes compagnons, en particulier Toric, même si Efflux n'est pas exclu de notre... Ouais. Bah merci. Oui, enfin techniquement tu pourrais être exclu. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais surtout vers Toric, du coup. Je pense que on a notre connaissance commune. Qui peut nous parler. Ouais, il me semble bien. Assassiner. Bah écoute, on va y aller. Ouais, allons-y. Efflux, tu veux pas faire un tour toi aussi? Si, j'adore faire des tours avec vous. Clin d'œil que tu ne peux pas voir. Très bien. Je ne sens donc aucune ironie dans ce message, je dis très bien. Je me mets en route immédiatement, après tout c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous vous rendez donc au niveau du justicien. Une petite auberge, slash bar, qui se trouve dans la ville, qui est assez réputée. Au moment où vous rentrez à l'intérieur, vous découvrez donc plusieurs tables assez animées, vous avez 2-3 alcôves et vous voyez des gens de tous les cultes, même assez réputés, en train de faire ce que font les gens dans les bars et les auberges. Ils rigolent, ils discutent, évidemment... Il n'y a pas vraiment d'apocalyptique, en tout cas pas officiellement, difficile de les juger, on ne se trouve pas non plus à l'épave. Et à ce moment-là, Mokoche, instantanément, comme si elle te connaissait, tu vois l'une des serveuses qui travaille là, qui vous fait... Le docteur Collins vous attend dans l'arrière-salle. Merci. Par contre, je crois qu'il a dit qu'il faudrait que vous veniez seul. On peut rester dans la salle. Enfin, dans la salle. Ouais, tu vois, c'est juste une serveuse. Hein. Elle a pas l'air de faire partie de la mafia ou autre. Si jamais vous voulez y aller à 3, elle va pas. Bon, après, en même temps, voilà, c'est Mokoche. On aura envoyé Flux. Non, mais ça me dérange pas de laisser Mokoche y aller. Tu sais, Toric et moi, on s'installe dans le justicien. Et puis, on attend que Mokoche revienne. Ça, il va pas la tuer là. Très bien. Si. Au pire, vous venez si vous entendez qu'il y a des meubles qui sont détruits. Ouais. Oh, puis je te fais confiance. T'es une dure à cuire. Ouais. On risque de retrouver les meubles détruits sous ta lame plutôt que sous la sienne. Bon, bah, je m'assois. Dit-on devant la serveuse, hein. Oui, on s'en fout. Bah, qui nous regarde paniquer, quoi. Passe de l'autre côté. Et. Tu, au-delà d'un petit rideau, te retrouves dans une espèce d'arrière-salle, éclairée à la bougie, avec au centre une petite table avec 2 assiettes et un plat encore chaud de par la fumée qui en sort au milieu. Ça fait étonnamment presque romantique comme ambiance. Et en effet, sur la chaise, juste en face de toi, tu vois le docteur Collins en train de... tremper un morceau de pain dans une espèce de petit ragoût qui se trouve dans son assiette creuse. Ah, vous voilà. Je vous attendais. Prenez place, s'il vous plaît. Je m'installe. Il en est passé du temps, hein. Mm-hmm. Voilà ce que je vous propose. Dit-il en ouvrant le premier plat. Coulage de Gendo. À l'intérieur, vous avez de la viande cuite. Elle a été découpée en petits morceaux et mélangée avec des pommes de terre, des légumes et du bouillon. Avec ça, vous avez du fromage de chèvre et du pain de très bonne qualité. C'est moi qui offre, n'hésitez pas. Asseyez-vous. Je m'assis et je mange sans aucune hésitation. Okay. Toi aussi, il pose une carafe de vin sur la table et t'en verse un verre ainsi qu'à lui. Tu Tu remarques également au moment où tu t'assois la présence d'un petit coussin relativement confortable sous tes fesses, comme quoi l'intention de A à Z est relativement et c'est très soigné. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. J'aimerais revenir sur un passé un peu litigieux que nous ayons pu avoir par le passé, et j'aimerais m'assurer que nous repartons sur de bonnes bases désormais. Nous avons, vous et moi, très bien connu une dénommée Abby Cœur d'Obsidienne. Exact. Oui. Très bien. Et vous étiez proches, toutes les deux, non ? Oui. Parfait. Est-ce qu'elle vous parlait de temps en temps ? Oui. De quoi vous parlait-elle ? Vous demandez si elle a parlé de vous ? J'imagine qu'elle vous a parlé de moi. J'aurais que, et je m'en excuse d'ailleurs, à l'époque j'ai pu proliférer quelques menaces à son encontre. Comment va Torik d'ailleurs ? Il est avec vous ce soir ? Il va bien. Très bien. Avec du recul, voyez-vous, j'apprécie que mon homme ait refusé de la tuer. C'était une erreur et et malheureusement, même si cela n'aura pas sauvé Abby du tragique destin qui l'attendait, elle aura au moins pu vivre quelques temps en plus à vos côtés. Et heureuse, je l'imagine, je l'espère en tout cas. Il n'empêche qu'il y a une question qui me turlupine. Voyez-vous, j'ai moi-même pu commettre quelques erreurs à son encontre et j'ai pu lui parler de certains sujets, disons, tendancieux. Il se trouve maintenant que une partie de ce que je lui ai dit a fuité avec le temps. Et voyez-vous, j'ai malencontreusement peur qu'elle ait pu vous mettre au courant de certaines de ces choses et que vous ne soyez plus ou moins relié à l'origine de la fuite. À ce moment-là, il te regarde droit dans les yeux et pose ses couverts sur le côté. Écoutez, je vais vous demander de me regarder droit dans les yeux et de me répondre par oui ou par non. Ne me mentez pas, je saurai si vous le faites. Abby vous a-t-elle parlé d'un dénommé Azorius ? Non. Vous a-t-elle jamais parlé de mes affaires professionnelles ? Non. Êtes-vous au courant de quoi que ce soit à mon encontre qui ne soit pas, disons, connu plus ou moins publiquement par qui voudrait s'y intéresser ? Je sais quelque chose d'assez gênant, j'imagine. Allez-y, dites. Allez-y, n'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal, voyez-vous. Si j'avais voulu vous éliminer, j'aurais engagé un autre homme, comme j'ai pu le tenter par le passé, mais n'en parlons plus, c'est différent désormais, les années sont passées. Je cherche une formulation acceptable. Elle vous a dit quoi ? Que j'étais un salopard ? Une enflure ? Si c'est de ce genre de choses dont vous me parlez, cela ne m'intéresse pas. Non, c'est quelque chose avec lequel elle a sûrement eu quelques interactions. Tu vois, à ce moment-là, il est assez vexé, et lui qui avait repris sa fourchette, tu la sens un peu déraper dans son assiette, laissant entendre un bruit un peu strident. Allez-vous-en, nous n'avons rien à vous dire. Vous n'êtes vraisemblablement pas au courant de ce qui m'intéressait. Nous n'avons plus rien à faire. Vous pouvez y aller. Tu m'offres quoi pour plus d'informations ? Pardon ? Tu m'offres quoi pour plus d'informations ? Concernant quoi ? Abby ? Non, rien. De là où la fuite pourrait venir ? Je pense savoir d'où elle pourrait provenir, ne vous en faites pas. Je voulais juste m'assurer que mes sources étaient bonnes. Très bien. Si vous la connaissez, alors pas de problème. Je me lève. Et je me tire. Ok. S'il arrive, au moment où tu t'apprêtes à passer la porte, il te fait... Oh ! Une dernière chose. Tu relâches un peu le rideau que tu t'apprêtais à passer. La personne qui m'a renvoyé sur vous m'avait dit que vous étiez de bonne foi et je veux avouer ne pas avoir douté d'elle au premier abord, mais vous avez l'air sincère. Voyez-vous, nous avons une connaissance commune. Une connaissance que vous avez pu fâcher. Elle semble douée d'un étonnant don de clairvoyance. Et elle m'a dit quelque chose à l'encontre d'Abby, mais je crois que vous n'êtes pas au courant. À ce moment-là, il se lève de table. Pardon ? Je me retourne entièrement vers lui, parce que je m'étais pas vraiment... À ce moment-là, tu vois qu'il se lève et penche un peu sa tête d'un air un peu provocateur, avec un léger sourire en coin, un peu comme s'il te renvoyait la tacle précédente que tu avais pu faire... sur lui. Oui, la voyante, la femme m'a également dit que Abby n'était pas réellement morte dans les circonstances que vous le présumiez. Et il s'avère qu'elle aurait elle-même mis fin à ses jours. Elle vous l'avait dit, ça, qu'elle vous avait abandonné ? Non, parce que moi, je croyais que votre amour était sincère, mais visiblement, ce n'était pas... dans le cas, donc, vous comme moi, nous avons tous les deux été abusés de cette personne. Il est armé ? Non. À part son couteau et sa fourchette. Tu vois qu'il te regarde avec le regard un peu souriant du gars qui a fait une mauvaise blague, mais qui s'attend à ce que tu t'en ailles juste frustré. Je vais laisser tomber mon épée au sol, mais pas le manche. Et je vais aller lui matraquer le visage jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Ok, l'aiguille de... mince, de tatouage apparaît donc, et tu t'élances sur lui. Je vais te demander un petit jet quand même symbolique. Un petit jet de body brawl ou mêlée, comme tu veux. Mêlée, c'est bien. Très bien. 4 réussis, dont un déclencheur. C'est bien ça ? Oui, 4 réussites dans un déclencheur. C'est fou. C'est fou parce que... j'ai autant de réussites que toi. Ça va partir en baston. Pas vraiment. J'ai beau faire autant de réussites, on part quand même sur un lourd échec critique. La fin de cette partie va se faire légèrement en mode cinématique, si on peut parler comme ça. Mokosh va se jeter sur le docteur Collins. Elle l'avait jamais vraiment vu d'ailleurs. Tout ce qu'elle savait, c'est que fut un temps, il avait condamné à mort la femme qu'elle aimait, éperdument. Et d'après lui, la voyante, qui est une connaissance commune. Bon. Mokosh, tu sautes par-dessus la table et tu le plaques au sol. Et tu commences à le poignarder une fois, deux fois, trois fois au niveau du visage avec l'aiguille à encre. T'as du sang qui commence à couler partout et lui, il commence à essayer de se débattre et à crier. De votre côté, dans la pièce principale, Flux et Toric, vous entendez du bruit au niveau de derrière le rideau. Et vous voyez, alors je vous laisse imaginer ça en mode cinématique, les bandes noires, le ralenti, les hospitaliers présents dans l'auberge se lever et courir en direction de la salle à l'arrière. Ils tirent le rideau, il y en a même un qui le chope et l'arrache tellement les cris qui en proviennent sont d'une violence et sous-entendent une urgence extrême. Lorsqu'ils arrivent au niveau de la pièce principale, certains d'entre eux se jettent sur Mokosh et la plaquent contre un mur. D'autres jettent des coups d'œil au niveau de l'homme du docteur Collins au sol. L'un des hospitaliers, pourtant habitué à effectuer différentes opérations chirurgicales, finira quand même par renvoyer son petit déjeuner par terre. Les autres détourneront simplement le regard face au visage complètement atrophié du docteur Collins. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter.